Auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, Radio Grimoso, qui s'appelait autrefois Radio Trait d'Union. C'était pas mal, Radio Trait d'Union, hein. Bon. Et maintenant, voilà, calendrier des esclavages et des libérations. De quoi s'agira-t-il ce soir? Eh bien, d'abord de Hugo Clément, chercheur d'or illégaux en Guyane. Il va nous raconter ce qui se passe. Hein, du côté des chercheurs d'or illégaux, des clandestins qui viennent, on ne sait pas trop où, hein, mais ils sont quelques centaines et même davantage dans la forêt vierge et font des dégâts. Des dégâts avec du poison. Jean-Luc Mélenchon, la chaîne, Macron est candidat président. Ensuite, sur la chaîne de l'information, Mathilde Panot, Emmanuel Macron se dédouble. Ah, tiens, faudrait voir ça. Emmanuel Macron se dédouble. Le Média, guerre civile en Afrique, la France coupable. Tiens. Ensuite, l'abolition de la peine de mort en France en 1981. Ensuite, Mathilde Panot en Guadeloupe. RAID et GIGN, voilà. Ensuite, musique, Marc Augeret, Maintenant que la jeunesse, hein, une chanson que vous connaissez déjà, mais que j'aime bien passer de temps en temps quand même, hein. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale, Guadeloupe, population, c'était une conférence de presse. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon, énergie, carburant. Il faut bloquer les prix, oui, parce qu'on entre dans l'hiver et beaucoup de gens auront beaucoup de mal de s'éclairer et de se chauffer, correctement. Voilà, alors que des choses pas trop gaies, bien sûr, mais voilà, c'est comme ça. Oh,

Tous les jours je digue digue riche, dado dado dado dado moi, je bâtirai un vrai palais, montant jusqu'au ciel sur la place du marché. Des murs plantés bien droits sous un toit doré. Un escalier de marbre, un autre tout en bois, l'un pour entrer, l'autre pour sortir. Et encore un troisième pour la joie. Et plein ma cour d'espoir, des coqs et des poules, toute la ville m'envirait, car ça piaillerait, ça caquetterait. Et chaque couac sonnerait comme un vrai coup de clairon. Regardez tous, admirez ma maison. Oh, et si j'étais riche, et digue-di-do-di-do-doi-do-doi-do-doi-do-doi-do-doi. Tous les jours, j'ai digue-digue-dôme. Oh, et si j'étais riche, moi. Hey, hâte la charrette. Et digue-di-do-di-do-doi-do-doi-do-doi-do-doi-do-doi. Dieu qui fit le ciel et les étoiles, est-ce que ça t'aurait donné du mal de changer ton plan phénoménal et me faire riche, moi? Oh, yeah. Le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé d'important? Parce qu'évidemment, tous les faits ne peuvent pas être relatés, ce serait impossible. Le 29 novembre. Par exemple, le 29 novembre 1767, en Espagne, une décision royale permet de fixer librement les salaires des ouvriers agricoles. Elle déroge à la règle selon laquelle les salaires doivent être fixés par la municipalité. C'était en 1767. En 1781, en Grande-Bretagne, lors d'un transport de la Côte d'Or à la Jamaïque, 133 esclaves noirs malades sont jetés à la mer. Pourquoi ? Le capitaine avait mal fait son compte de provisions d'eau. Il jugea plus rentable de se débarrasser des esclaves qui lui seront remboursés par les assurances que de les voir malades et non rentables. Et c'était en 1781, hein, par si. 1830, Pologne, la révolte éclate à Varsovie. La ville est rapidement libérée de l'occupation russe. Un gouvernement provisoire est constitué. 1831, France. Boisset, le nouveau maire de Lyon, décrète que les canuts doivent déposer leurs armes à l'hôtel de ville. Réaction d'un ouvrier. J'ai gagné mon fusil à prix de sang. Il faudra mon sang pour l'obtenir. 1848, France. Au deuxième congrès de la Ligue des communistes, Marx et Engels sont chargés de la rédaction du manifeste communiste. Écrit de décembre à janvier, il sera imprimé à Londres en février et se termine par la phrase clé reprise depuis dans tous les programmes du mouvement ouvrier. Deux points, ouvrons les guillemets. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Oui, ça c'est une idée. 1850, Grande-Bretagne. La première traduction anglaise du manifeste communiste est publiée dans le Red Republican de Londres. Red, c'est rouge, hein. Républicain rouge de Londres. 1904, France. Une loi prévoit l'établissement de systèmes de protection pour éviter que les ouvriers ne se voient happés par les courroies ou broyés par les engrenages à découvert. Mais elle restera pratiquement lettre morte. Vous entendez ça? 1904 en France. Quel gouvernement on avait à l'époque? Pas Macron, il n'était pas né. Hein, bon. Alors, 1943, Yougoslavie, congrès des partisans de JHC sous l'occupation nazie, une deuxième réunion du conseil antifasciste pour la libération a lieu dans la ville de JHC. Les 142 délégués adoptent un projet qui fait de ce conseil, appelé AVNOJ, le corps législatif et exécutif du gouvernement provisoire dirigé par Tito. La Yougoslavie sera socialiste et fédérative. Et c'est ce qui s'est fait effectivement. 1945, Yougoslavie, après des élections et le Front populaire a obtenu 9 voix sur 10. La République fédérale populaire de Yougoslavie est proclamée et la monarchie supprimée. 1945, on a supprimé la monarchie en 1945 en Yougoslavie. Oui, le progrès, il prend du temps, mais il avance, le progrès. Le progrès, il progresse. 1948, France, reprise du travail dans les mines après une grève très dure, une répression souvent féroce et une propagande isolant les grévistes. En France, en 1948. Ah bon. 1962, Algérie, le Parti communiste algérien est dissous. 1966, Espagne, au Pays Basque, début de la grève de 800 ouvriers de l'entreprise Echevarria. Laminage à froid pour cause de non-paiement de primes promises. 1977, France, dépôt des statuts de la coopérative des industriels de Palante chez un notaire, Maître Guillaume, à Recologne. 1978, Palestinien, depuis cette année, ce jour est une journée de solidarité internationale avec le peuple palestinien. 1982, Gabon, Amnesty International, demande la remise en liberté des membres du Morena, mouvement de redressement national, parti d'opposition interdit, condamné à des peines allant jusqu'à 20 ans de travaux forcés. Quand on pense à l'Amazonie, on oublie souvent qu'une partie de la forêt appartient à la France. Nous voilà en Guyane. Et le combattant avec qui nous avons rendez-vous ici, c'est un gendarme d'élite, un membre du GIGN. On est sur une des bases d'entraînement de l'antenne guyanaise du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Ils sont en train de faire une dernière répétition avant une grosse opération prévue demain contre l'orpaillage illégal qui gangrène la forêt amazonienne. Ils vont partir à l'assaut d'une mine d'or illégale. Je m'appelle Cédric. Je suis chef de groupe à l'antenne GIGN de Guyane et je lutte contre l'orpaillage illégal. Cédric restera anonyme, car il se bat contre les chercheurs d'or clandestins, une mafia sans foi ni loi. La répartition du matériel elle est faite, tout est OK, tous les pots thermiques sont répartis. Okay. C'est une mission à haut risque, donc c'est gilet pare-balles obligatoire. Donc vous répartissez dans les machines et on va décoller. Allez, bonne mission. Potentiellement, sur le terrain, en forêt, on peut faire face à des hommes armés. Oui, il y a des phénomènes de bande armée, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. On est sur un Far West des temps modernes. On est parti pour une journée de mission. Il y a 3 hélicoptères mobilisés en tout. Quand nous achetons un bijou en or, en France, le métal précieux peut venir d'ici. On estime que chaque année, les trafiquants arrivent à extraire plus de 10 tonnes d'or de Guyane. 10 tonnes, c'est 500 millions d'euros. Nous allons découvrir les réseaux clandestins cachés de l'Amazonie. Dans une nature à première vue intacte, un réservoir de biodiversité fascinant, une jungle hostile. La Guyane, enclavée entre le Brésil et le Suriname. C'est le plus grand département français. 96% de ce territoire est recouvert de forêt équatoriale. Mais cette forêt primaire n'est pas aussi préservée qu'elle en a l'air. Nous survolons des cicatrices. Ces étendues d'eau n'ont rien de naturel. Ce sont des lacs artificiels creusés par les chercheurs d'or. Tout cela à l'intérieur d'un parc national. C'est vraiment dévasté là. Ah ouais, complètement. Là, tu vois les traces d'hydrocarbures là dans l'eau ? Pareil. L'objectif de la mission d'aujourd'hui, c'est d'aller surprendre les orpailleurs illégaux sur un maximum de campements. Les gendarmes vont essayer de détruire le plus d'équipements possible. Donc ça peut être des moteurs, ça peut être des pompes, des tuyaux. Il est très rare d'apercevoir les chercheurs d'or. En entendant le bruit des hélicoptères, ils s'enfuient sous les yeux du GIGN. On les appelle les Garimperos. D'après les estimations, il y en aurait 10 000 cachés dans toute la Guyane. À nos deux heures, on remonte un moteur sur la gauche. Ouais, celui qui est sur le radeau, tu confirmes ? Oui, confirme. Le moteur que les gendarmes recherchent est installé sur cette barge. Il sert à pomper l'eau. C'est un matériel indispensable pour extraire de l'or. Les Garimperos tente de le mettre à l'abri, avant que le GIGN n'ait le temps de se poser. La mission de Cédric et de son équipe, c'est de repérer tous ces moteurs, les uns après les autres, pour les détruire. Nous n'allons pas pouvoir nous poser tout de suite, car les chercheurs d'or ont volontairement planté d'immenses piquets pour empêcher les hélicoptères d'approcher. C'est donc l'autre équipe qui va entrer en action. Ils décident de lancer ce qu'ils appellent un assaut vertical. C'est le moment où ils sont le plus vulnérables. 2 militaires français ont été tués dans une opération similaire il y a quelques années. Ils se sont fait tirer dessus au moment où ils rejoignaient le sol. Pour que nous puissions nous poser à notre tour, ils vont devoir retirer un à un tous les piquets installés par les chercheurs d'or. découvrons ce qu'est un site d'orpaillage illégal. Il y en a 150 à l'intérieur du parc amazonien de Guyane. Celui-là, il est impressionnant. Hein. Ça fait vraiment paysage de guerre, quoi, champ de bataille. Quand vous voyez ça, vous, ça vous fait quoi ? Ça me fait mal au cœur. Très honnêtement, ça fait mal au cœur. Les Garimpeiros ont juste eu le temps de jeter leur moteur à l'eau pour le cacher. Ils espèrent ainsi que les gendarmes ne le trouveront pas et qu'ils pourront donc le récupérer après leur départ. Ok, il y en a un là. Ouais, affirmatif, le moteur est juste là. Pour le sortir, l'hélicoptère va le tirer à l'extérieur. C'est la guerre des moteurs. Les autorités françaises viennent les dénicher dans toute l'Amazonie. Ils sont parfois dissimulés sous des branchages, ou le plus souvent, comme ici, jetés à l'eau. Idéalement, il faudrait les faire sortir de la forêt. Mais cela demanderait trop de logistique. Cédric et ses hommes vont donc se contenter de les détruire sur place. C'est ce que les militaires appellent l'opération Anaconda. Comment vous allez le détruire, là ? On détruit les organes vitaux, entre guillemets. Tout ce qui est système d'injection, pompe à huile, etc., etc. Et ensuite, tout ce qui est bloc moteur. Et là, il veut mettre en place un pot thermique. C'est un matériel militaire pour détruire les canons des chars. Ça délivre à peu près 3000 degrés. 3000 degrés pour vraiment fondre la matière à l'intérieur. C'est bon, il est mort ? Là, il est mort. Hein. Il n'est plus opérant. Ce moteur leur sert à pomper l'eau pour la projeter à très haute pression sur le sol et obtenir une boue liquide qui contient l'or. Ils mettent alors en marche un deuxième moteur pour faire couler cette boue sur une sorte de moquette qui va retenir au fond les métaux les plus lourds. Il reste alors une pâte et pour en extraire l'or, c'est là que le mercure intervient. Le mercure liquide a cette propriété d'agréger le métal précieux. Il n'y a plus qu'à faire chauffer le tout, le mercure s'évapore et fait apparaître l'or pur. Quant à ce mercure qui vient de se disséminer dans la nature, il est extrêmement toxique et bien sûr interdit. Tout ce qui est fumé avec le mercure, c'est hyper nocif pour la nature et également pour l'homme qui inhale les fumées. C'est des gens souvent qui n'ont pas une grande espérance de vie. Les cours d'eau ont été détournés et cette eau se retrouve chargée en mercure et en carburant. Là, ce qu'on voit ici, c'était la rivière d'origine. C'est ça, la rivière nommée Lipo-Lipo, théoriquement qui est une eau très claire avec des poissons, etc. Il y a de la vie, théoriquement il y a de la vie. Mais actuellement, il n'y a pas de poissons. Prendre un verre d'eau là et le boire, c'est... Ah, je ne le ferai pas. Si vous voulez risquer, faites-le, mais moi je ne le ferai pas. Un site comme celui-ci, c'est un site qui est mort pour des décennies. Pour des décennies, voire même peut-être des centaines d'années. Vous voyez, la terre est rongée. Et là, le prochain arbre qui est ici, qui est majestueux, qui est magnifique, celui-ci va tomber naturellement. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de déraciner. On enlève la terre et lui, il va tomber. Il est là ? T'as le deuxième ? Ouais, il est là. Ouais, il y a le deuxième moteur. Et ils l'ont balancé de l'autre côté ? Ouais. Moteur d'origine asiatique. Là, on peut voir la date, hein. 2020, mars 2020. Ça veut dire qu'il a été acheminé ici très récemment. Très récemment, il y a moins d'une semaine. Ça, c'est le meilleur moyen de lutter contre l'orpaillage illégal ? Actuellement, oui. La seule chose qu'ils ont à faire maintenant, c'est d'aller racheter un nouveau moteur. Donc ça génère encore des coûts. Et le but, c'est de les asphyxier sur le plan financier pour éviter qu'ils reviennent en forêt. C'est une guerre de harcèlement, en fait. C'est ça. C'est très compliqué parce que sans cesse, on détruit et sans cesse, ça revient. Je compare souvent ça à la guerre contre les stupéfiants, c'est exactement pareil. Le premier qui lâche a perdu. Voilà. L'or est revendu à des réseaux de trafiquants. Et c'est un monde où il n'y a aucune traçabilité. Il peut donc finir dans une bijouterie à Paris ou n'importe où dans le monde. Aujourd'hui, le GIGN va démanteler 9 campements. Tous plus impressionnants les uns que les autres. Le carnage. Le carnage. Les gendarmes voient à quelques mètres d'eux les derniers Garimpeiros s'éloigner dans la jungle. Ils rejoignent des bases arrières. Les hommes employés ici par les réseaux mafieux viennent le plus souvent des pays limitrophes. Ils vont revenir dans quelques minutes et découvrir que le matériel a été entièrement détruit. Attention pour la mise à feu ! Mise à feu ! Certains restent même aux premières loges, sous les arbres, le temps de l'opération. Les chefs, vous les voyez jamais. Les grosses têtes de réseau, elles sont pas en fait dans elles la forêt. Ici, hein. Elles sont certainement au Brésil ou ailleurs. Ceux qui sont sur les camps, c'est souvent des petites mains. Exactement, c'est des personnes courageuses. Parce qu'ils vivent quand même dans des conditions assez précaires, en pleine forêt équatoriale. Vous avez vu, hein, sur les chantiers, en plein soleil toute la journée, en short, torse nu, avec une lance, juste des bottes. Ça reste un travail de forçat, très difficile. Une zone de non-droit, aux confins de la République française. Il s'active là, je pense qu'on va y aller. On les souffle, là, on les souffle, attention. Ouais, c'est bon. Les poursuivre, ça sert à rien. Ça sert à rien sur ce type d'opération. C'est pas l'objectif. L'orpaillage a repris de la force depuis un an. Avec la crise sanitaire, l'or, valeur refuge, a atteint des sommets. Ce qui aiguise l'appétit des trafiquants. Donc là, on est côté français. Et juste en face, c'est le Suriname. Exactement. Séparé par le fleuve Maroni, qui est une frontière difficile à contrôler. C'est impossible d'empêcher les passages. C'est impossible. Cette proximité... Pour vous, c'est un vrai problème parce que ça permet aux chercheurs d'or qui sont côté français de remplacer les moteurs que vous détruisez en allant les chercher en face. Exactement. Quoi. C'est un autre pays en face et qui est en dehors du territoire Schengen. Donc d'autres lois. D'autres lois, sans accord. En gros, vous savez que quelques jours après votre passage, quelques semaines tout au plus, le site va reprendre son activité. Là, d'ici 3-4 jours, ouais. 3-4 jours à peine 3-4 jours, ouais. C'est frustrant pour vous? Un peu. Un peu. On lâchera jamais. Mais madame, je ne suis pas le Père Noël. Je ne suis pas le Père Noël. Cher Emmanuel, nous te rendons hommage, car cette année, tes cadeaux nous ont vraiment gâtés. Ils n'attendaient pas le Père Noël ? Je ne suis pas le Père Noël. Non, tu n'es pas le Père Noël, Emmanuel. Pour nous, les ultra-riches qui faisons notre fortune au détriment des plus pauvres, tu es l'élu. C'est la belle année d'Emmanuel. Nous les plus riches, on est contents. Et les yeux levés vers le ciel, remercions le gouvernement. Avant de partir en croisière, faisons une dernière prière. Petit Emmanuel, tu es descendu du ciel avec ton projet financier. J'oublierai tes grands souliers, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, il y a la France d'en bas, tous ces gueux ne voudront plus de toi. Il me tarde tant que ce jour revienne, quand le facteur va la vie d'imposition que je vois en baisse et que je t'ai commandé. Petit Emmanuel, tu es descendu du ciel avec ton projet financier. J'oublierai pas tes... tes grands souliers. Les grèves, les manifs sont passés, les gueux retournent à leur boulot. Toi, tu as déjà commencé à flinguer leurs acquis sociaux. Au patron des grandes entreprises, tu réserves bien des surprises. Et quand on sera sur nos nouveaux yachts, entièrement défiscalisés, on chantera ta gloire d'une voix très haute pour ce que tu nous as octroyé. Petit Emmanuel, tu es descendu du ciel avec ton projet financier. J'oublierai pas tes grands souliers. L'abonnement à ma chaîne est gratuit et te donne droit à une exonération totale de l'impôt sur la fortune. Alors profites-en. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'être en direct avec nous. Vous êtes le candidat de la France Insoumise, le candidat de l'Union Populaire. Merci d'être avec nous. Il a dit, le président, il faut faire un rappel parce que un certain nombre de personnes ne font pas ce rappel alors qu'ils y sont éligibles et que l'épidémie galope. Ça, c'était le premier thème. Votre réaction là-dessus? Ouais, écoutez, bon, déjà, c'est pas les consignes de l'Organisation mondiale de la santé qui disent que le rappel ne doit pas être imposé aux personnes de 50 ans. Quant à celles de plus de 65 ans, c'est maintenant devenu la condition pour qu'elles conservent un pass sanitaire et la liberté qui s'y attache, puisque c'est devenu une contrainte dans notre pays. Mais honnêtement, de ce qu'il a dit ce soir, je retiens essentiellement un méli-mélo de compte rendu, d'ailleurs assez discutable, et de promesses de candidats. Alors ça me fait redouter que cette façon de faire dure encore des mois, où il serait le seul à avoir la possibilité de venir exposer des choses sans qu'on puisse lui répliquer, comme ça se passe normalement dans une démocratie. Mais j'ai retenu la fin de son intervention. Il dit « il y a beaucoup d'angoisse, et donc ayons confiance en nous-mêmes ». Même c'est lui qui a accru les angoisses ce soir, parce qu'il a annoncé aux chômeurs que les conditions allaient être plus dures et qu'on allait leur retirer leur indemnité plus facilement. Il a annoncé qu'on devait travailler davantage, et ainsi de suite. Les gens qui l'écoutent avec attention, comme vous, comme moi, savent qu'il n'y a pas 3 millions de chômeurs, comme il l'a dit dans ce pays, mais 6 millions, et ainsi de suite, que le pouvoir d'achat n'a pas progressé. Alors, devant tout ça, on se dit, mais est-ce qu'il se rend compte de l'état réel du pays ? Est-ce qu'il se rend compte du fait que si les gens sont angoissés, c'est qu'il y en a de bonnes raisons à ça, et que d'une certaine façon, ce soir, il a accru les raisons de cette angoisse ? Je trouve aussi que le côté un peu, il fait des mouvements un peu de menton et d'épaule pour affirmer de l'autorité n'est pas rassurant dans un contexte comme celui dans lequel nous vivons. Vous m'avez posé une question sur l'état sanitaire, n'est-ce pas ? Oui. Bon, oui. On est toujours à répéter les mêmes choses. Comment se fait-il qu'il n'y a toujours rien d'organisé pour qu'il y ait un roulement, que les gens ne s'empilent pas sur les quais de gare le matin, que les enfants ne soient pas tous à l'école en même temps, et ainsi de suite. Il n'y a absolument rien de nouveau, alors que et d'adapté de ce qu'on a appris de l'expérience, comme la présence des purificateurs d'air. Il n'y a absolument rien. On en reste à la même recette depuis des mois, et on voit bien qu'elle n'est pas efficace, puisque une cinquième vague s'annonce. Je ne dis pas que ce soit de sa faute, mais ce qui sera sans doute de sa faute, c'est qu'on le combatte aussi mal. Jean-Luc Mélenchon, la réforme des retraites n'est pas d'actualité. Elle devra être faite, dit le président, en 2022. Donc on comprend qu'il pourrait la faire, lui, s'il était réélu, lui qui le proposera en candidat possible. Mais en tout cas, est-ce que vous dites, ouf, ça n'est pas fait aujourd'hui? Parce qu'il en a été question quand même à un moment. Mais alors, je pourrais vous dire ça si je ne me méfiais pas. Mais il a dit lui-même que c'est en 2022. Mais j'ai l'impression que le président de la République a l'air de considérer cette élection comme une formalité administrative, parce qu'il sera président de l'Europe et il considère qu'il ira jusqu'au bout, c'est-à-dire au mois de juillet. Non, l'élection a lieu au tout début du mois d'avril. Quant à la réforme des retraites, elle-même et son contenu, vous l'avez entendu comme moi, il faut travailler davantage. Ah bon, pourquoi ? Qu'est-ce qui démontre qu'il faille travailler davantage ? Ce n'est pas vrai. La richesse que produit le pays, nonobstant la crise terrible que nous avons vécue, certains ont continué à s'enrichir d'une manière considérable. Donc est-ce qu'il n'est pas temps, alors qu'on est dans une telle situation, de commencer un petit peu à partager entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien ? Vous avez entendu comme moi parler de cette affaire de compensation de l'inflation, notamment sur les prix de l'énergie. Mais enfin, où va-t-on comme ça ? On va donner 3,8 milliards aux gens à coup de chèque de 100 euros et on va en rajouter, on a décidé ça, ça a été décidé par l'Assemblée nationale vendredi dernier, 5 milliards qui va sortir de la caisse de l'État pour compenser les augmentations de tarifs de l'essence notamment. Alors qu'on pourrait très bien les demander aux fournisseurs eux-mêmes, ils ont fait des marges extraordinaires. Non, je trouve que M. Macron nous installe tous dans l'habitude que l'injustice est normale et que l'inégalité entre les Français, eh bien, c'est un état de situation normale. Ben, moi, je ne l'accepte pas. Donc ce soir, est-ce que vous nous dites, Jean-Luc Mélenchon, j'ai en face de moi un nouveau candidat ? Clairement, ce soir, ou alors, écoutez... C'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. On a parfaitement compris qu'il était candidat. Il annonce des choses qu'il faudra faire ensuite. Donc tout le monde comprend que c'est après 2022. Mais il a une sorte de privilège personnel qui est qu'il peut être candidat sans que son temps de parole soit compté, sans que l'utilisation des moyens de la République soit comptée dans son compte de campagne. Tout ça est totalement abusif. Enfin, qu'il dise qu'il est candidat, ou qu'il dise qu'il ne l'est pas, ou qu'il suspend sa candidature puisqu'il veut être président de l'Union européenne, mais ce mélange général des genres n'est pas bon pour une démocratie. Enfin, dans toutes les démocraties du monde, dans la dernière période d'un mandat, on organise, il est normal que le pouvoir continue à s'exercer, c'est bien normal, mais on ne mélange pas les genres comme ça, candidat, président en exercice, il va être président de l'Europe, c'est une erreur de sa part de se présenter comme candidat de l'Europe à partir du 1er janvier de l'année qui vient, alors que la France sera en campagne électorale, normalement. Donc la situation particulière de la France sur la scène de l'Europe va être affaiblie. C'est tout à fait évident. On peut considérer que la dernière partie, ou en tout cas la partie d'une campagne, c'est peut-être à partir de janvier-février. En l'occurrence, les présidents sortants sont toujours présentés à partir de février ou même mars. Vous avez souvent salué Jean-Michel Apathy. Jean-Luc Mélenchon, le talent tactique de François Mitterrand. Finalement, Emmanuel Macron, il applique la leçon. Ça ne peut pas et vous surprendre. Je ne vois pas pourquoi ça vous déplairait. Ça me déplaît, mais ça ne me surprend pas. Vous avez raison, Monsieur Apathy, parce que c'est un abus de pouvoir. Et on ne peut pas le qualifier autrement. À moins que vous ayez définitivement trouvé normal que quelqu'un qui est candidat passe à une fonction de plus, il était président de la République française, être président de la République française et président de l'Union européenne, ne rende des comptes à personne et ne soit astreint à aucune des disciplines qui sont celles en particulier d'une campagne électorale. Souffrez que je vous dise que ça ne me paraît pas normal. Et si on l'a fait dans le passé, peut-être qu'on doit y réfléchir maintenant et se demander si c'est la meilleure des méthodes. Renaud Pilat souhaite vous poser une question, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, on semble que la valeur protection, le président protecteur était le fil rouge quand même de l'intervention d'Emmanuel Macron. Est-ce que selon vous, lorsqu'on voit les sondages, même si ce ne sont que des sondages, ça rend la position des gauches en ce moment plus compliquée pour être audible dans ce début de campagne ? Je ne sais pas, je crois que les Français sont un esprit critique assez développé. Ils voient bien, ils font la part des choses. Entre, vous savez, il y a une culture de la communication qui s'est accumulée dans notre peuple. Nous ne sommes plus les mêmes qu'on était il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Peut-être sommes-nous moins naïfs, moins crédules et plus exigeants. Par conséquent, il est vrai que le fait d'agir comme candidat président rend plus compliqué pour les autres candidats à la situation, parce qu'on ne sait jamais à qui on s'adresse vraiment en face de nous, le candidat ou le président. Mais pour autant, je ne crois pas que ça augmente ses capacités à tromper les gens si c'était son intention. Je crois que ça va créer de la confusion et rien de plus. Cependant, il est certain que pour ce qui concerne la droite, ça lui rend la situation plus compliquée. Ça, c'est certain, parce que il est le candidat, il assume les principaux mots d'ordre qui sont ceux de la droite traditionnellement en France, et que, bon, eux, ils sont un peu démunis face à face, puisqu'ils n'arrivent pas à s'affirmer, à affirmer une identité politique, et notamment une identité plus fermement républicaine face à l'extrême droite. Justement, Emmanuel Macron, dans sa tirade, en quelque sorte, de fin de discours, a eu l'air de dire « c'est moi le rempart à l'extrême droite ». Moi, je suis... Il faut croire en la France et croyons en nous, n'ayons pas peur du repli, du nationalisme. Donc, c'était une façon de se positionner face à cette extrême droite et de dire « c'est moi le principal... » Je vous abandonne ce rôle, c'est... Je vous abandonne ce rôle. C'est le rôle du commentaire politique. C'est votre fonction. Quant je vous à pose moi, la non. question. Je ne vais pas faire le commentateur de la prestation audiovisuelle du candidat Macron. Je peux vous parler de ce qu'il dit. Je trouve insupportable de voir le président défiler comme ça avec 30 thèmes, parce que je ne sais pas si vous les avez comptés, mais 30 thèmes, on a parlé de l'Afrique, on a parlé des réacteurs nucléaires, on a parlé des retraites, on a parlé des salaires, et puis nous devons tous, comme ça, écouter tout ça, sans répondre, sans avoir la possibilité, si vous voulez, d'un débat, enfin un débat n'abaisse personne, de pouvoir discuter point par point de ce qu'il affirme. Alors, vous dites ce soir, Jean-Luc Mélenchon, je veux un débat avec Emmanuel Macron, c'est ça que vous dites? Ben moi, j'avais demandé une fois, j'avais choisi un sujet que je trouvais plus commode pour lui, qui était de prendre la géopolitique. Comme ça, c'est un thème qui intéresse peu de candidats aujourd'hui. Lui, parce que par la force des choses, parce qu'il est le président de la République, parce que de très gros dossiers géopolitiques sont sur la table, que ce soit ceux de notre présence militaire en Afrique, ou que ce soit les déclarations qu'on a souscrites contre la Chine, que pour ma part je trouve absurdes. Il y a eu l'histoire des sous-marins australiens, vous voyez. Bref, il y a une très grosse activité internationale et géopolitique. Il a évoqué le mot géopolitique, et ce serait bien qu'on puisse en parler. Voilà. Moi, je crois qu'il faut qu'il accepte que les rôles ne soient plus mélangés. J'admets que dans le passé, en effet, les présidents sortants ont attendu très tard pour déclarer leur candidature. Mais admettons que ce n'est pas le mieux qu'on puisse faire. Vous l'auriez peut-être fait, hein ? C'est déjà aussi secoué que la nôtre. Vous l'auriez peut-être fait. Pardon ? Vous l'auriez peut-être fait. Ben, je sais pas. Je ne vous comprends pas. Non. Si, vous avez compris. Si, vous avez compris. Non, Valérie Data. Vous rigolez, je vous entends rire, mais. Mais non, j'ai non, pas mais. Bien compris ce qu'on me On sourit. Je dis, vous l'auriez peut-être fait si vous étiez à sa place. C'est ça que je veux dire. Non, je pense que je m'y serais pris autrement. Je crois que. Bon, il est vrai que le mandat est très court, hein. 5 ans, c'est court. Parce que, bon, il vous faut un an pour vous installer, moi, il me faudra beaucoup moins, et puis il faut à peu près 6 mois pour s'en aller et faire campagne. Mais je crois qu'on pourrait faire autrement, en effet, tout autrement. Mais ne me demandez pas de révéler mes secrets. Bon, la dernière question est pour Valérie Nattaff, puis on se quitte. Monsieur Mélenchon, bonsoir. Je voudrais savoir si l'annonce du président de la République de relancer la création de réacteurs nucléaires dans notre pays, c'est la première fois qu'il annonce la création de réacteurs nucléaires. Il avait parlé des SMR, mais pas de réacteurs nucléaires comme cela. Est-ce que vous allez batailler contre cette annonce ou est-ce que vous trouvez que finalement, étant donné les prix de l'énergie, c'est une bonne idée ? Bon. Franchement, vous ne vous attendez pas à ce que je vous dise que c'est une bonne idée, alors que je passe mon temps à dire qu'il faut sortir du nucléaire. Non, en effet, vous avez raison. Ce soir, il y a eu une escalade de fait. Auparavant, il nous avait parlé de ces soi-disant mini-réacteurs qui consistaient à disséminer sur tout le territoire national des petits réacteurs. Mais les petits réacteurs, quand ils tombent en panne ou quand il y a un incident, c'est les maxi-dégâts. Mais là, ce soir, il nous annonce des EPR. Il en avait déjà parlé une fois ou deux. Mais là, il l'annonce. Alors, c'est absolument incroyable. Le seul qu'on a commencé à construire, il est toujours pas fait. Il a 10 ans de retard et il coûte plus cher. Et à peine sera-t-on aura-t-on commencé, si jamais on commence un jour, qu'il faudra déjà changer le couvercle. Par conséquent, c'est une sorte de fuite en avant que je condamne absolument. Il faut sortir du nucléaire, évidemment, dans des conditions qui nous garantissent un approvisionnement énergétique par le recours à des ressources renouvelables, mais il faut sortir du nucléaire pour la raison que c'est dangereux. C'est pas par caprice que je suis hostile au nucléaire, j'en ai été partisan dans le passé, mais entre-temps, il y a eu Tchernobyl, il y a eu Fukushima, et par conséquent, il faut en tirer la leçon. Il faut passer à autre chose. Ce qu'ils nous annoncent, c'est encore du nucléaire pour 50 ou 60 ans. Eh bien, je trouve que ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. Il faut passer à autre chose. Merci beaucoup. Merci d'avoir été en direct, de nous avoir réservé votre première réaction ce soir, Jean-Luc Mélenchon. En direct sur LCI. Bonsoir, Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes le candidat de la France insoumise à l'élection présidentielle. Vous vous dénoncez ce soir un discours de campagne. Oh, je dénonce pas. Il a le droit de le faire. Mais nous, on a le droit de lui demander de dire qu'il est candidat. Parce que là, c'est une espèce de Macédoine qui nous a fait ce soir, où il mélange des comptes rendus très discutables de résultats avec des annonces de candidats. Bon, alors, si vous voulez, c'est une situation qui met en cause, en quelque sorte, la loyauté de la campagne présidentielle. Ça va être comme ça jusqu'au bout. Jusqu'à quand? Alors là, il nous a annoncé ce soir toutes sortes de chiffres, on ne peut pas les discuter. Au passage, il a supprimé tout seul, avec ses petites mains, 3 millions de chômeurs, puisqu'il dit « il y a 3 millions de chômeurs dans ce pays ». Non, il y en a 6. Il a éliminé les catégories B et C. Ensuite, il a répandu une dose anxiogène d'annonces, telles que « il faut travailler davantage »,« les chômeurs vont être radiés plus facilement s'ils ne cherchent pas assez activement », parce que, d'après lui, il y a assez d'emplois pour tout le monde. Enfin, écoutez, on se pince, on se dit « mais est-ce qu'ils se rendent compte de l'état vraiment ?» du pays aujourd'hui. Alors, voilà la situation dans laquelle on est. On a quelqu'un qui est un président-candidat, candidat-président, et on ne peut être que dans une situation, si vous voulez, d'embarras. Par quel bout attraper une situation pareille? Est-ce qu'on est en train de discuter ou est-ce qu'on est en train d'entendre un compte-rendu? Est-ce qu'on discute son programme pour l'avenir ou qu'on... C'est pas rien ce qu'il a dit ce soir. Il vous annonce qu'il va créer 5 ou 6 EPR dans tout le pays. Alors, on a les mini-centrales nucléaires dont il nous a parlé, plus les EPR. Mais enfin, c'est une décision qui est énorme, qui met la France dans le nucléaire pour encore 50 ou 60 ans. C'est pas raisonnable. De la même manière, il annonce une augmentation du pouvoir d'achat. Qui l'a vu? Personne. Mais qu'est-ce qu'il raconte? On est donc en droit de se demander sur quelle planète il vit. Quand il parle de ces EPR et quand il parle de la question énergétique, c'est aussi pour répondre aux Français qui voient en effet leur pouvoir d'achat chamboulé, qui voient les prix de l'énergie augmenter. Là, il propose une solution pour l'avenir maintenant. Quoi ? De produire dans 30 ou 40 ans la totalité de l'énergie par le nucléaire ? Allons, c'est pas sérieux. Aujourd'hui, la seule proposition qu'il a mise sur la table concernant l'augmentation du prix de l'énergie, alors que nous sommes déjà très largement arrosé d'électricité nucléaire, ça a été de donner un chèque de 100 euros. Bon, vous avez fait comme moi la multiplication. Ça fait 3 milliards 800 millions qui sont pris sur le budget de l'État, payés par les impôts, pour compenser une hausse du prix de l'énergie qui va directement dans les poches des fournisseurs. Total a fait 7 milliards 600 millions de bénéfices cette année. Ils pourraient pas donner une partie de ça? Je vais vous dire, je l'ai déjà dit, il suffit de prendre 10% de leurs bénéfices. C'est pas beaucoup, 10%, pour pouvoir donner à chaque famille d'abonnés au gaz 500 euros. Donc ça va coûter, écoutez bien, 3,8 milliards pour le chèque de 100 euros et 1,2 milliard pour compenser le blocage des prix qui vont être donnés directement aux fournisseurs d'énergie. 5 milliards sur le budget de l'État pour compenser la hausse de l'énergie. Vous trouvez que c'est un résultat qui mérite qu'on dise on continue comme on a fait jusqu'à présent? Jean-Luc Mélenchon, il y a sans doute eu un moment où vous étiez plutôt content, non? Quand il annonce que la réforme des retraites, elle ne se fera pas maintenant. Ah ben, je me méfie parce que je ne suis pas un naïf, hein. J'ai passé l'âge de ça. Alors, on pourrait dire, ben, c'est la bonne nouvelle de la soirée, il ne va pas faire la réforme des retraites. Mais il vous a quand même annoncé qu'il la fera s'il en a l'occasion. Et je dois vous dire qu'il ne peut pas dire autre chose que ce qu'il vient de dire, puisque, comme président de la République, il a signé un engagement devant la Commission européenne de faire cette réforme. Comme il se trouve qu'en janvier, il est président de l'Union européenne, il ne va pas aller dire le contraire maintenant. Donc moi, je suis très méfiant. J'imagine bien que je ne vois pas comment il ferait pour mettre cette réforme de retraite entre maintenant et le mois d'avril prochain. Cependant, ce que nous pouvons tous retenir ce soir, c'est que la question des retraites fait partie du vote de la prochaine élection présidentielle. Donc nous savons ce qu'il veut. D'ailleurs, en général, tous les autres candidats de droite sont aussi pour le départ à la retraite, l'âge légal à 64, 65 ou 67 ans. Et puis il y a ceux qui sont pour 60 ans, comme c'est mon cas. Mais au moins, alors on peut dire ça ce soir. Bon, voilà, le sujet maintenant fait partie de la prochaine élection présidentielle. Mais je voudrais quand même rester sur l'énormité de ce que nous avons vécu ce soir. Le président de la République aborde 30 thèmes différents, fait une pluie de chiffres, et on ne sait pas si c'est le président de la République qui parle ou si c'est le candidat. On a l'impression de participer à une espèce d'émission, une primaire dont il serait le seul candidat. Bon, je dis ça pour blaguer, mais franchement, je suis assez amer de voir ça. Il met le travail au cœur de son discours. Il le présente comme la solution aux différents problèmes que nous avons aujourd'hui. Il y a cette phrase qu'on citait tout à l'heure. Il dit, concernant les demandeurs d'emploi qui ne montreraient pas une recherche active d'emploi, qu'ils verront leurs allocations suspendues. C'est ce qu'il a déclaré tout à l'heure. Le fait est qu'il y a des offres d'emploi aujourd'hui qui ne sont pas pourvues. Donc j'ai deux questions à vous poser. À la fois, comment vous réagissez à cette déclaration et vous, qu'est-ce que vous proposez ? Bon. Je commence d'abord par vous dire que le mythe des offres d'emploi non pourvues, ça commence à bien faire. Parce que même si toutes les offres d'emploi qui sont aujourd'hui déposées, et dont une bonne partie sont en réalité des offres d'emploi ou dépassées ou obsolètes, mais si toutes ces offres d'emploi étaient pourvues immédiatement par des gens qui se précipiteraient pour aller dire « je la prends », eh bien, il resterait encore 5 millions de gens sur le carreau. Donc il faut arrêter de dire que le chômage, au fond, c'est de la faute des chômeurs, parce que ce n'est pas vrai. Alors, quand lui reproduit ce mythe, je trouve que ce n'est pas correct de la part d'un président de la République. C'est irrespectueux pour les gens. Ce n'est pas vrai que les gens ne veulent pas travailler. Ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'un certain nombre d'emplois aujourd'hui ne sont pas pourvus parce qu'ils sont trop mal payés. Parce que l'amplitude de travail, je pense notamment dans la restauration, avec des pauses au milieu de la journée et des gens qui sont retenus pendant des heures aux alentours de leur travail, ce ne sont plus des conditions qui sont acceptables pour des payes qui sont aussi misérables. Alors, moi, je demande qu'on arrête de montrer du doigt les gens parce que ce n'est pas vrai. Les gens demandent à travailler, à avoir un métier honnête et bien payé. Alors, ce vers quoi nous devrions nous diriger, c'est vers le plein emploi. C'est très facile de faire des mouvements de menton, comme il l'a fait tout à l'heure en disant « le travail, c'est le plus important ». Mais qui dit le contraire ? Bien sûr que tout le monde a envie de travailler, mais quelles sont les offres qui sont faites ? Quelles sont les filières qui vont se développer ? Il n'en dit pas un mot. Alors que vous m'avez posé la question à moi personnellement, eh bien, comme candidat, ce que je réponds, c'est que nous allons développer l'emploi dans toute une série de directions qui constitueront des filières. Je l'ai déjà dit. Mais je commencerai aussi par rassurer, sécuriser les gens. Je pense en particulier à tous ceux qui ont un emploi précaire dans la fonction publique. Trouvez-vous normal qu'il y ait 800 000 personnes qui, chaque année au mois de juin, se demandent s'ils vont retrouver du travail au mois de septembre ? Enfin, c'est insupportable pour des gens qui, chaque année, voient leur situation être reconduite. Donc je pense que c'est à ça qu'ils devraient répondre. Un travail bien payé, honnêtement mené, avec un nombre d'heures de travail qui ne soit pas exagéré. Jean-Luc nous Mélenchon, toujours il reste à la même histoire. Qu'une minute, si nous voulons travailler tous, il faut travailler moins. Jean-Luc Mélenchon, parce que Philippe Corbet a une question à vous poser. Oui. Vous avez entendu, M. Mélenchon, la fin du discours du président de la République quand il dit « n'ayez pas peur, croyons en nous », quand il s'inquiète du retour du nationalisme. Est-ce que vous avez compris cette fin de discours comme une réponse, un message à propos évoquant notamment Éric Zemmour ? Non, mais ça, moi, j'en sais rien. C'est vous le commentateur, c'est pas moi. Je sais pas qui y visait. Si vous voulez s'en prendre à M. Zemmour, il avait qu'à le nommer. Et moi, j'ai pas envie de parler de M. Zemmour. Ce que je peux dire, c'est que vous avez raison de pointer cette fin du discours, parce qu'elle était intéressante. Mais comment la nation, le peuple, peut-il prendre confiance en lui-même, alors qu'on ne lui dessine comme futur que l'incertitude, les punitions, les contrôles, et tout ce que nous avons entendu pendant cette soirée? Non, si on veut donner confiance au peuple français, il faut qu'on montre de quel côté on compte développer l'emploi, comment on compte améliorer les conditions de vie. Vous savez comme moi que 50% de la croissance de ce pays, c'est la consommation populaire. Si vous augmentez les salaires, vous permettez aux gens de vivre mieux, et donc de faire vivre mieux l'économie du pays, et de pouvoir acheter des choses de meilleure qualité, notamment pour l'alimentation. Parce que là, en ce moment, on parle de la Covid, c'est normal, mais vous avez entendu le président de la République dire « la Covid-19 est d'autant plus dangereuse qu'il y a les autres maladies, le diabète, l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Les trois sont liés à la malbouffe. » Alors, C'est là qu'il faudrait faire des efforts, dire attendez, là on va y améliorer la situation. Voilà, je crois que je vous ai tout dit en vous disant que c'est pas une soirée très loyale de sa part. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été notre invité. Machio aluku kokoro karuku dare ka ni aeru kono michi de kawaii kimi ni koe o kakete konnichiwa boku to yukimasho oh Champs-Élysées oh Champs-Élysées itsumo nani ka suteki na koto ga anata o matsu yo oh Champs-Élysées kimi o tsurete asobi ni yuko minna ga atsumaru ano klabu gita o hite asa made uta o Kanoshiku sawaide koi o suru Oh Champs-Élysées Oh Champs-Élysées Itsumo nani ka suteki na koto ga Anata o matsu yo Oh Champs-Élysées Michio yukeba sekai wa yureru ai suru kimi to boku no tame ni Oh Champs-Élysées Oh Champs-Élysées Itsumo nani ka suteki na koto ga anata o matsu yo Oh Champs-Élysées Oh Champs-Élysées Champs-Élysées Itsumo nani ka suteki na koto ga anata o matsu yo Oh Champs-Élysées Oh Champs-Élysées Oh Champs-Élysées Itsumo nani ka suteki na koto ga Merci monsieur le président, monsieur le premier ministre. Prenez garde, Emmanuel Macron se dédouble. Il y a le Emmanuel Macron présent à la COP26 et Macron Emmanuel, président de la République depuis 4 ans. À en croire les paroles du premier, les deux ne se connaissent pas. Emmanuel Macron à la COP26 distribue les bons et les mauvais points. Il fulmine, il tempête, il vitupère contre les gros pollueurs qui doivent polluer moins. Le second est président de la République et son bilan écologique est catastrophique. La France a même été condamnée 2 fois pour une action climatique. Celui-ci signe des accords de libre-échange, déroule le tapis rouge aux gros pollueurs comme Amazon et Total, laisse les banques françaises investir dans les énergies fossiles, réintroduit les pesticides tueurs d'abeilles, refuse d'interdire le glyphosate, détruit des milliers de postes au ministère de la Transition écologique, détruit le service public ferroviaire et forestier, enterre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, promeut le nucléaire en dépit des déchets qu'il produit et dont nous ne savons que faire, et enfin, il magouille avec Viktor Orban pour que le gaz soit considéré comme une énergie verte au niveau européen. Pire, il réprime les militants écologistes, il criminalise les militants de Bure, gaze les jeunes pour le climat et réinvente le crime de lèse-majesté pour les décrocheurs de portraits. Tant et si bien que la France bafoue ses propres engagements et que notre pays devra doubler le rythme actuel de réduction des émissions pour respecter ses objectifs. Pourtant, Emmanuel Macron à la COP26 déclarait ceci. La France et plus largement l'Union européenne sont aujourd'hui au rendez-vous des engagements. Ah bon ? Si Emmanuel Macron et Macron Emmanuel sont la même personne, alors admettez qu'il y a un problème. La seule explication qui nous reste est la suivante. Emmanuel Macron tout entier est un hypocrite. En tout état de cause et par précaution, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous prévenir le donneur de leçons de la COP26 qu'il s'appelle Emmanuel Macron et qu'il est le même qui saccage le climat depuis 4 ans ? Thank you. Jusqu'au 6 juin, cette esplanade hébergeait plus de 8000 déplacés internes. Puis, tout est parti en fumée. Quand les Russes et l'armée centrafricaine ont mis le feu au camp. Nos équipes sur le terrain nous ont rapporté que le site a été littéralement saccagé, détruit, incendié, y compris même notre point palu. Et les abris ont été incendiés. Et ça fait plus de 8000 personnes, 8300 personnes qui ont fui ce site pour se retrouver à la mosquée. Et donc aujourd'hui, la condition humanitaire, la situation humanitaire de ces milliers de personnes est préoccupante. C'est un pays au sous-sol qui regorge de ressources naturelles, diamants, uranium, or et pétrole, une nation au destin tragique qui a longtemps été sous le joug du colon français. Aujourd'hui encore, après deux guerres civiles, la République centrafricaine souffre de l'action des milices qui sèment la terreur au sein de la population. Il y a quelques semaines, aux médias, nous avons publié un reportage exclusif réalisé par deux de nos journalistes, Filippo Ortona et Thomas Dietrich. Ils se sont rendus sur place pour raconter les conséquences des guerres civiles qui ont secoué le pays. Des guerres souvent présentées à tort comme des conflits interreligieux. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir parmi nous Thomas. Salut. Alors, on va revenir ensemble sur les conditions de réalisation de cette enquête et sur le contexte géopolitique en Centrafrique. Une manière pour vous qui nous regardez et qui avez visionné ce reportage, si c'est pas le cas, faites-le, d'y voir plus clair. Alors Thomas, déjà je me pose la question, pourquoi avoir décidé de partir maintenant en Centrafrique? Donc c'était en juin, quand vous avez été tourné. Est-ce qu'il s'est passé des événements notables en Centrafrique dernièrement? Oui, effectivement, en janvier, il y a une rébellion qui est arrivée aux portes de Bangui, qui a été repoussée de justesse, qui a failli s'emparer du pouvoir. Mais finalement, cet épisode n'est qu'un énième couplet dans la chanson tragique qui s'est déroulée en République centrafricaine depuis une décennie maintenant. J'ai vécu en République centrafricaine il y a une dizaine d'années, avant la guerre civile qui s'est déclenchée en 2012. En fait, je voulais comprendre ce qui s'était passé et parler de ce pays, du drame qu'a connu ce pays au monde entier. Alors, c'est vrai qu'en France, le gouvernement de François Hollande, les médias traditionnels, ont présenté la guerre civile qu'il y a eu en République centrafricaine comme un conflit interreligieux entre chrétiens et musulmans. D'ailleurs, c'était fait toujours de manière très condescendante, limite raciste. Hein. Finalement, les centrafricains n'auraient été que des sauvages qui se seraient entretués. Et moi, je me souviens que, par exemple, quand François Ruffin se posait des questions sur qu'est-ce qui a motivé le conflit en Centrafrique, David Pujadas lui avait répondu, mais vous savez, l'armée française, la France, a quand même sauvé la Centrafrique d'un génocide. Donc finalement, ça correspondait bien à l'image qu'on veut donner de la France, hein, qui joue le rôle de chevalier blanc en Afrique. Et moi, je me souvenais de Bangui, j'ai quitté Bangui quelques mois avant la guerre civile, où il y avait, donc en Centrafrique, il y a 85% de chrétiens et 15% de musulmans, où les chrétiens et les musulmans vivaient ensemble, vivaient en parfaite harmonie. Les chrétiens invitaient les musulmans, les musulmans invitaient les chrétiens pendant le ramadan, les gens vivaient ensemble, il n'y avait aucune haine, il n'y avait aucun signe que quelques mois plus tard aurait pu se dérouler un génocide. Donc c'est ça un peu ce que j'ai voulu raconter. Ça veut dire finalement les dessous de cette guerre civile qu'on a présenté un peu hâtivement comme un conflit entre chrétiens et musulmans, même s'il y a eu des actes terribles, des crimes qui ont été commis, une certaine forme de purification. Et c'est ça que j'ai voulu raconter avec Filippo, et c'est pour ça qu'on s'est rendu en Centrafrique un petit peu pour raconter les dessous de ce drame qui s'est noué, et notamment pour documenter l'influence des puissances étrangères, parce que les Centrafricains ne sont pas les seuls responsables, et de loin, dans le drame qui est survenu en Centrafrique. Alors justement, je pense que c'est important de recontextualiser ce qui se passe en Centrafrique. Et pour ça, j'aimerais que tu nous parles notamment de cette crise qui déchire le pays depuis 2012 à peu près. La Centrafrique a toujours été un pays un peu oublié, enclavé, sans accès à la mer, qui vit un peu comme un réduit sans fenêtre du monde, qui était colonisé par la France, colonisation très dure, on pratiquait l'esclavage. Et en 1960, on a accordé l'indépendance à la République centrafricaine, mais finalement, comme disait l'ancien président de l'Assemblée nationale, Edgar Faure, on est parti pour mieux rester. C'est-à-dire que la France a continué à maintenir une tutelle sur la République centrafricaine, on y a maintenu un contingent militaire, on mettait les présidents qu'on voulait, et quand d'ailleurs ils nous plaisaient plus, on les changeait. Exemple de Bokassa, qui était l'ami de Giscard d'Estaing, que Giscard d'Estaing a fini par faire renverser par l'armée française. Et pour bien comprendre la crise centrafricaine, on est au début des années 2000. La France s'entend pas avec le président Félix Patassé, qui les soupçonne de se rapprocher trop de la Libye, et Jacques Chirac décide de le renverser par un coup d'État et de mettre au pouvoir un général centrafricain qui s'appelle François Bozizé, qui n'a pas la lumière à tous les étages, qui ressemble à un caporal jamais sorti du rang. Alors on se dit que ça sera l'homme de paille idéal, le corneau idéal, et donc on le met au pouvoir, d'ailleurs avec l'aide du voisin tchadien, le Tchad, Idriss Déby, qui est le meilleur ami de la France en Afrique, le meilleur allié, quand bien même Idriss Déby est un afro-dictateur aux mains pleines de sang, et Déby envoie des mercenaires tchadiens qui vont mettre François Bozizé au pouvoir. Donc les Français se disent que bon, de toute façon, ils vont continuer à exercer cette sorte de tutelle, qui ne dit pas son nom sur la République centrafricaine. Sauf que Bozizé va se révéler beaucoup moins docile qu'on ne pensait. Notamment, il y a la question qui va se poser des mines d'uranium. Areva achète 3 mines d'uranium à un prix défiant toute concurrence, complètement faramineux, d'1,8 milliard d'euros à une société canadienne. Et parmi ces 3 mines, il y a une mine qui se situe dans l'est de la Centrafrique, la mine de Bakouma. Bozizé veut sa part du gâteau et il est gourmand, il réclame toujours plus à Areva et Areva ne lui donne pas ce qu'il veut. Donc ça va créer une sorte de brouille. Bozizé va refuser de signer certains documents officiels pour permettre à Areva d'exploiter la mine. Ça va devenir de plus en plus tendu entre Paris et Bangui. Moi, je me souviens que quelqu'un qui avait assisté à une conversation entre Nicolas Sarkozy et François Bozizé au téléphone disait que Sarkozy lui avait dit, en ces termes exacts, il a dit « si tu ne fais pas ce qu'on te dit, c'est nous qui t'avons mis là, on te dégage ». Le mot était employé, on te dégage. Donc ça montrait bien un petit peu le rôle que pouvait avoir Paris dans ça. Mais malgré ça, Bozizé ne va pas, va continuer sur sa lancée. Il va commettre un crime de lèse-majesté. Il va donner le pétrole aux Chinois, un gisement de pétrole sur lequel l'orne totale. Il faut savoir qu'effectivement, la Centrafrique est un pays qui regorge, tu l'as dit tout à l'heure, de ressources, 700 indices miniers, l'uranium, l'or, les fameux diamants de Bokassa, mais aussi le bois précieux, le bétail. Et donc ça attire des convoitises. Et on est au début des années 2010, et c'est la grande période de l'aventurisme militaire français. Donc sous Nicolas Sarkozy, avec la Côte d'Ivoire en 2010, avec la Libye en 2011, et c'est ce qui va se passer en Centrafrique en 2012. Ça veut dire finalement, on va monter des opérations militaires qu'on va draper d'un bel idéal, on vient implanter la démocratie, on vient renverser le dictateur, mais en réalité, on renverse un régime qui ne nous convient pas pour mettre un régime plus acceptable, en tout cas qui soit plus lié aux intérêts français. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est ce qui se passe en Libye, avec des conséquences tragiques. Et en Centrafrique, ça se passe sous François Hollande, mais finalement c'est le même système, notamment c'est Benoît Puga, le chef d'état-major particulier de Nicolas Sarkozy, puis de François Hollande, qui a la manœuvre. En Centrafrique, on va faire la même chose. On va essayer de renverser François Bozizé. Et c'est ça le point de départ de la guerre civile en Centrafrique. C'est-à-dire qu'il y a un deal qui va se passer entre François Hollande, qui vient d'arriver au pouvoir en 2010, et Idriss Déby. Ce qui se passe, c'est que François Hollande a un problème majeur, c'est qu'au Mali, c'est très loin de la Centrafrique, mais tu vas voir que c'est lié, au Mali, il y a des djihadistes qui occupent le Nord Mali, et la France sait, on est fin 2012, qu'elle va devoir envoyer des militaires pour écraser les djihadistes. Le problème qu'a François Hollande, c'est qu'il ne peut pas se permettre d'envoyer beaucoup de soldats français au sol et d'avoir des dizaines de morts. L'opinion publique ne supporterait pas d'avoir des dizaines de morts parmi les militaires français. Donc, ils vont appeler Idriss Déby à la rescousse, puisque l'armée tchadienne est parmi une des armées les plus courageuses, les plus entraînées, qui est aguerrie dans ces terrains désertiques, pour lui demander un peu de jouer le rôle que jouaient les tirailleurs à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire d'aller au sol. Et Idriss Déby va envoyer ses soldats tchadiens qui vont être d'un grand concours à l'armée française. Mais en échange, c'est là que la Centrafrique rentre dans le jeu, François Hollande va confier, entre guillemets, la Centrafrique en gérance aux voisins tchadiens, à Idriss Déby. C'est-à-dire qu'on s'est dit que, bon, finalement, en Centrafrique, on n'arrête pas de mettre des présidents qui finissent par nous trahir, nous, Français. Alors, on sait qu'Idriss Déby est notre copain. Alors, on va lui filer la Centrafrique, parce qu'il l'orne dessus, parce que le Tchad a toujours considéré la Centrafrique comme une sorte de dominion, et il pourra exploiter les richesses. Et d'ailleurs, ça se voit dans les dates. Le 5 décembre 2012, il y a la première rencontre entre François Hollande et Idriss Déby à l'Élysée. Le 9 décembre, 4 jours plus tard, il y a une rébellion qui apparaît comme par enchantement au nord de la Centrafrique. Cette rébellion, elle va s'appeler la SELECA, ce qu'on appelle Alliance en Sango. Et elle va être composée non pas de centrafricains, d'opposants centrafricains, mais principalement de mercenaires tchadiens et soudanais, une sorte de lit de l'humanité qu'on a réuni à N'Djamena, qu'on a mis sur des véhicules de l'armée tchadienne qu'on a maquillé et qui va foncer sur la capitale centrafricaine Bangui, profitant de la déliquescence de l'armée centrafricaine de François Bozizé, parce que personne n'avait envie de se battre pour François Bozizé, qui était dans une dérive non seulement autoritaire mais aussi mystique. Et le 25 mars 2013, la SELECA entre dans Bangui. Pour te dire, il y avait un bel hôpital qui s'appelle l'hôpital de l'amitié qui était construit par la coopération chinoise. La SELECA a commencé à le bombarder, ils croyaient que c'était la présidence. Donc ça te montre à quel point ces gens-là n'étaient absolument pas originaires de Centrafrique. Et ça s'est fait sous les yeux du contingent français qui était présent à Bangui. Il y a eu des massacres, on a chassé François Bozizé, ce qui était une chose, hein, on pouvait le concevoir. Mais il y a eu des massacres, des pillages, des viols de femmes dans des églises, des choses qui n'avaient jamais existé en République centrafricaine auparavant. Et l'armée française a permis la progression de cette horde de mercenaires, de cette SELECA-là, en donnant des informations à la SELECA sur les positions de l'armée française, sur les positions de l'armée centrafricaine. Il y avait même des chefs de la SELECA qui ont été blessés, qui ont été évacués par l'armée française et soignés à Libreville. Donc il y a eu un soutien à cet ordre criminel-là. Une fois que la SELECA est arrivée à Bangui, on a mis un homme de paille au pouvoir qui s'appelait Michel Djotodia, qui était président, qui d'ailleurs était gardé par des mercenaires français, des anciens parachutistes, mais les décisions étaient prises à Paris et aussi à N'Djamena au Tchad. Et très clairement, la SELECA a régné par la terreur pendant presque un an, multipliant les massacres, les pillages, et créant un peu le conflit interconfessionnel qui allait survenir, mais qui n'existait pas avant en Centrafrique. Alors justement, dans votre reportage que vous avez fait avec Philippot, il y a de nombreux personnages, et notamment un ex-chef de milice, c'est quand même pas rien. Comment est-ce que vous avez fait pour gérer tout ça sur place? Est-ce que c'était dur? On rencontre effectivement Abdoulaye Hissène, qui était un des chefs de la SELECA, qui est un personnage quand même assez étrange, puisqu'il a fait un moment décapiter, donc lui-même est musulman, il a fait décapiter un jeune musulman pour faire croire que c'était les milices chrétiennes qui avaient commis des crimes et raviver la tension interconfessionnelle, parce que ces seigneurs de guerre ont vécu sur finalement le morcellement de la Centrafrique, sur le chaos qui régnait en Centrafrique. Il y a quand même près de la moitié de la population qui a été déplacée à un moment ou à un autre. Il y a eu des dizaines de milliers de victimes. Donc ces chefs de guerre ont prospéré et ont fait beaucoup d'argent en contrôlant les différents trafics, hein, les pierres précieuses, etc. Abdoulaye Hissène était un trafiquant de diamants. Et l'armée française, à aucun moment, n'a pu endiguer ce phénomène-là, bien au contraire. C'est-à-dire que même quand on a monté, donc fin 2013, on se rend compte que la SELECA est catastrophique, fait trop de massacres. En face, il y a des milices chrétiennes qui se sont composées, qui s'appellent les anti-balaka, qui commettent des crimes, non pas contre les mercenaires de la SELECA qui sont venus d'ailleurs, mais contre les musulmans qui ont toujours vécu en Centrafrique depuis génération et qui ont toujours vécu avec eux. Donc ça crée une sorte d'affrontement interconfessionnel qui n'existait pas avant, avec des choses absolument atroces, des actes de cannibalisme, Mbaïki, 150, 160 kilomètres au sud de Bangui, c'est jusqu'au dernier musulman qui a été exterminé. Donc il y a eu véritablement des actes d'éradication d'une religion. Et l'armée française n'a pas su endiguer ça. Parce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est notamment le chef d'état-major particulier de François Hollande, Benoît Puga, qui monte cette opération-là. Benoît Puga était en Centrafrique dans les années 80, et il se dit que l'armée française va arriver, va tirer 3 coups de feu en l'air et ça va se régler. Sauf qu'il ne se rend plus compte que l'Afrique a changé, la Centrafrique a changé, et le chaos qu'a instillé finalement la France en voulant remplacer François Bozizé est irrémédiable. Et c'est pour ça que, par exemple, des militaires français ont été traumatisés par ça. On a envoyé des gamins qui sont revenus complètement déboussolés, à la limite de la folie, parce qu'ils avaient vu des choses atroces, parce qu'ils ne savaient pas pourquoi ils se battaient. Et que la France était incapable ou ne voulait pas régler la situation qu'elle avait elle-même créée en Centrafrique. Parce que, comment j'entends dire que la France a sauvé la Centrafrique d'un génocide? Non, c'est le contraire. Ça veut dire qu'on a créé les conditions de la déstabilisation de ce pays-là. On est 20 ans, presque 20 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, où la France a fauté, où la France a soutenu le gouvernement génocidaire Hutu. Et 20 ans plus tard, on a recommencé, au nom de la préservation d'un précaré, au nom de la préservation d'une puissance française. Hein, c'était Louis Guiringo, le ministre des Affaires étrangères de Valéry Giscard d'Estaing, qui disait que l'Afrique, quand même, c'est le dernier continent où, avec 500 hommes, la France peut changer le cours de l'histoire. Alors c'est quand même, c'est extraordinaire, c'est chez nous. Et on est prêt à, finalement, à causer des dizaines de milliers de morts, de victimes, pour maintenir notre puissance et pour mettre des présidents qui nous seront favorables. Et je pense qu'un jour, il faudra qu'on fasse le bilan de la responsabilité de la France en République centrafricaine. Il faudra qu'un jour, la France demande pardon à genoux au peuple centrafricain pour le mal qui a été fait. Et que les responsables politiques... Parce que c'est très bien d'envoyer, par exemple, des gens comme Abdoulaye Hissène. Alors lui, il est libre, mais il y a certains responsables de la Séléka, des responsables des milices chrétiennes anti-Balaka qui sont envoyés à la Cour pénale internationale. C'est une chose. Mais on n'a jamais jugé la responsabilité des puissances étrangères, et notamment de la France, des décideurs politiques. Je pense notamment à Jean-Yves Le Drian, qui est le ministre de la Défense de François Hollande, et qui est le tout-puissant ministre de l'Afrique, et qui a contribué à ce deal complètement absurde. On a fait une sorte de Bush en Afrique, hein. On s'est pris pour George W. Bush, on allait renverser, déstabiliser les pays, simplement, visiblement, pour protéger notre précaré. Et bien sûr, tout ça a été englobé d'un grand discours sur les droits de l'homme, hein, très paternaliste, très Troisième République, la mission civilisatrice de la France, alors que c'était du flan. Justement, dans le reportage, vous parlez beaucoup des compromissions de l'armée française qui était présente en Centrafrique à l'époque, et plus particulièrement, vous vous attardez sur un massacre qui a eu lieu à Bangui en 2014. Le 29 mars 2014... Donc la Séléka finit par rendre le pouvoir, elle est complètement discréditée. On met un président de transition, mais une présidente de transition en l'occurrence, mais elle ne contrôle rien du tout. Les massacres continuent. Les Français sont incapables d'empêcher le massacre des musulmans, les vengeances des anti-Balaka sur les musulmans. Et Idriss Déby fait une chose, il envoie des militaires tchadiens de la garde présidentielle en Centrafrique. Le motif officiel, c'est d'évacuer les derniers ressortissants tchadiens musulmans encore vivants qui vivaient au Kimetsin, puisque c'est les pays voisins, beaucoup de commerçants tchadiens, donc bon, c'était plutôt louable. En fait, c'est une vengeance. Il ne supporte pas que son entreprise finalement ait échoué, que la Séléka, qui était sa création, ait été chassée de Centrafrique. Donc ils arrivent. Ils arrivent devant Bangui et se mettent à tirer à l'arme lourde. Comme ça, sur le grand axe qui va jusqu'au centre-ville, ils tirent. Ils tirent, ils tuent des femmes, des enfants. Des chrétiens, des musulmans, ça n'a pas d'importance. C'est une vengeance. C'est une vengeance. Et donc, la population qui est apeurée commence à affluer vers une position de l'armée française qui occupe une gendarmerie, pensant que les Français vont arrêter le massacre. Vont les sauver, vont les protéger, vont prendre en charge les blessés. Et l'armée française ne bouge pas. Elle reste là. Elle regarde. Elle regarde. Officiellement, il y a un rapport de l'ONU qui parle de 30 morts. En réalité, c'est sans doute beaucoup plus. Et comme aux pires heures du génocide... les Tutsis au Rwanda, quand on regardait les Tutsis se faire massacrer, les derniers Tutsis de Bicécéro se faire massacrer par les Hutus, et quand on restait l'arme au pied, hein, c'est pareil. Et je peux même te dire une chose, c'est que des sources m'ont indiqué que les militaires français qui étaient sur place, qui bien sûr, comme n'importe quel être humain, étaient choqués par ce qu'ils voyaient, ont demandé l'autorisation à leur hiérarchie d'intervenir pour arrêter le massacre. Il ne s'agit pas d'aller tuer les Tutsis tchadiens, mais il fallait arrêter le massacre. Et Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, ami personnel d'Idriss Déby, refuse à deux reprises. Donc ça veut dire qu'on a laissé un massacre se passer au nom d'une amitié avec un dictateur, au nom de la déstabilisation d'un État, parce que le Tchad et la Centrafrique, les populations sont les mêmes, traversent, il n'y a pas d'antagonisme entre ces deux pays. Ce sont des pays étrangers, on parlait de la France, du Tchad, on pourra parler du Congo Brazzaville, on pourra parler plus tard de la Russie, finalement ont déstabilisé ce pays pour des intérêts de puissance, mais aussi pour se procurer les immenses richesses. Alors justement, puisqu'on parle donc du rôle des puissances étrangères, notamment de la France en République centrafricaine, il faut aussi rappeler qu'il y a un rapport de l'ONU qui a accusé les soldats français de viol sur des enfants en Centrafrique. Il y a une procédure judiciaire qui avait été lancée d'ailleurs en juillet 2014 en France. On en est où aujourd'hui par rapport à ça? C'est-à-dire que c'est un rapport de l'ONU qui révèle qu'au cours de l'année 2014, les soldats français ont commis des viols sur des mineurs, sur des enfants, dans des conditions assez sordides, c'est-à-dire qu'on est dans une période de guerre, il y a des camps de réfugiés, il y a des enfants qui ont faim, et donc il y a des choses qui se passent, atroces, qui se passent contre une boîte de sardines, contre une bouteille d'eau, enfin d'eau potable, et ce n'est pas des cas isolés, c'est des cas qui se répètent. Et donc il y a un fonctionnaire des Nations Unies qui fait fuiter le rapport dans le Guardian, dans la presse britannique, hein, la presse française vivement, était assez courageuse, et il y a une instruction qui est ouverte en France. Parce qu'il faut quand même se rendre compte de quelque chose. Quand la France intervient dans des pays africains notamment, elle signe des accords avec ces pays-là. C'est-à-dire que les militaires français, y compris hors de leur service, pour ce qu'ils pourraient faire, je ne sais pas, quand ils sortent le samedi soir, sont irresponsables devant la justice locale. Ils ne peuvent être poursuivis que par la justice française. Et donc il y a une enquête qui va se passer, qui va déboucher sur un non-lieu très contesté. Les associations de victimes ont notamment soulevé que, par exemple, les enfants avaient été auditionnés bien plus tard, sans la présence d'avocats ou sans la présence de psychologues, alors qu'on est quand même dans des affaires très lourde. Et on ne fera jamais la lumière sur ça. Heureusement, il y a des journalistes comme Justine Brabant, Léa Milano, qui ont sorti un bouquin qui s'appelle Mauvaise troupe, qui parle de ces excès, de ces gamins qu'on a envoyés en français, hein, soldats français qu'on a envoyés en Centrafrique, qui étaient là sans but. Et voilà, qui se sont pris un peu pour les rois du monde et qui ont laissé libre cours à leurs pourchants, y compris les plus sordides. Et moi, je peux te dire que je les voyais, les militaires français, à l'époque. C'était avant la guerre civile. Mais ils se comportaient déjà de manière atroce, notamment avec les femmes. Mais je me souviens qu'ils faisaient une scène que j'ai vue, un rodéo. Ils faisaient des rodéos, ils faisaient des courses de bagnole le soir dans Bangui. Donc ils étaient complètement bourrés. Voilà, il y avait une grande avenue qui s'appelle l'avenue des Martyrs, ils faisaient des rodéos là-dessus. Et puis un soir, moi je suis dehors, et puis quelques centaines de mètres, il y a un véhicule de l'armée française qui renverse un gamin des Russes, qu'on appelle des godobés là-bas. Le gamin a des fractures, notamment une fracture ouverte. Et normalement, ce que tu fais dans ces cas-là, c'est que tu emmènes la personne que tu as renversée à l'hôpital. Ça tourne logique. Le véhicule français, au-delà de ça, veut repartir, veut fuir. La foule s'agglutine, c'est comme ça que je le vois, la foule s'agglutine autour du véhicule français, la Jeep française, et les militaires français sortent. Avec leurs armes, ils menacent la foule avec des insultes racistes. J'ai entendu ça. Et finalement, ils partent, laissant le gamin qui a été transporté à l'hôpital par la foule, par les gens qui étaient là, hein, finalement, les riverains. Et ça montre bien le comportement complètement à rebours de toute la communication qui a été faite par la diplomatie française, par le gouvernement français, c'est-à-dire, disons, une armée française au service des populations. Tu vois, quand tu vas à Bangui, t'as des panneaux partout. Beaucoup plus, c'est qu'ils sont d'ailleurs beaucoup plus présents que la propagande russe. T'as des panneaux payés par le ministère de la Défense en disant français, hein, donc France et Centrafrique, frères d'âme depuis toujours. Alors que finalement, la France a fini par piller armes et bagages en 2016, ne maintenant qu'un tout petit contingent qui est encore à l'aéroport, sans avoir pu régler le problème. T'avais quand même c'était pas la partie militaire, mais t'avais quand même un ambassadeur de France qui était présent pendant la pire période, hein, donc la période la plus intense de la guerre civile, de 2013 à 2016, qui s'appelle Charles Malina, qui se prenait pour le président de la Centrafrique, qui était soupçonné d'avoir des accointances avec certaines milices, mais surtout qui a fait quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'il a été mis à la retraite d'office par le Quai d'Orsay, parce qu'il délivrait des visas de complaisance, des faux visas, pas à n'importe qui, à des islamistes qui venaient, pas seulement de Centrafrique, mais des pays voisins, notamment de Boko Haram, et qui se sont retrouvés en France, et tout d'un coup, le renseignement intérieur français a dit mais on voit dans des mosquées, il y a des gens un peu bizarres qui arrivent de Centrafrique et tout ça, ils ont tiré la sonnette d'alarme. Donc il y a eu une enquête, on a mis ce monsieur-là à la retraite, mais il n'a jamais été jugé, alors que peut-être sa place serait devant un tribunal. Donc voilà, ce cas individuel, comme l'épisode que je t'ai raconté avant, justifie en fait le fait qu'une partie de la population centrafricaine soit en colère. Et ça, on l'a senti, ce ne sont pas seulement les trolls russes, ce ne sont pas la propagande russe, c'est la population aussi qui se dit, mais ce pays avec qui on a tant partagé, même si c'était forcé, avec qui on partage toujours une langue, avec qui on a une histoire en commun, nous a fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, les soldats français ont laissé la place à d'autres forces militaires étrangères. On a déjà un peu parlé du rôle des forces tchadiennes pendant toute cette dernière décennie. Mais il y a aussi eu après les paramilitaires russes. Est-ce que tu peux nous parler de leur rôle aujourd'hui en Centrafrique ? Oui. Vous en parlez beaucoup aussi pendant le reportage. Oui, c'est-à-dire, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme je t'ai dit, l'armée française l'opération Sangaré s'arrête en octobre 2016. Il y a une mission de l'ONU qui est là depuis 2014, donc qui est une mission très conséquente. Il y a 12 000 hommes, 12 000 casques bleus, mais comme toutes les missions de l'ONU, ils n'arrivent pas à arrêter le conflit en cours. Hein. Ça fait 20 ans, ça fait des années qu'ils sont là au Congo, ils sont là depuis 2014 en Centrafrique, sans jamais pu régler, malgré les moyens mis en œuvre. Il y a quand même 1 milliard d'euros qui est mis sur la table par an, et on retrouve les mêmes accusations qu'avec l'armée française, les abus sexuels commis par les casques bleus, les collusions avec telle ou telle milice, enfin, voilà, on retrouve ça. Donc, finalement, le nouveau président centrafricain qui a été élu en 2016, qui est Faustin Archange Touadéra, qui est l'ancien premier ministre de Bozizé, mais qui est, bon, c'est pas Sankara, mais c'est quand même un professeur d'université, professeur de mathématiques, ancien recteur de l'université de Bangui, donc quelqu'un qui est, on va dire, voilà, plus solide que ne l'était François Bozizé, hein, qui est une sorte de soudard, voilà, n'a pas les moyens de se défendre. Surtout qu'il y a un embargo, qui est là depuis 2013, sur les armes. Donc, l'embargo a été compréhensible à l'époque, puisqu'il fallait empêcher les groupes armés de s'armer, de faire venir des armes et de se renforcer encore. Mais le problème, c'est que ça empêche aussi l'armée centrafricaine d'avoir les moyens de combattre les groupes rebelles, qui étaient encore nombreux en 2016. Donc finalement, l'armée française se retirant, d'ailleurs c'est Emmanuel Macron qui dit à Faustin Archange Touadéra, « Ouais, mais vous devriez aller voir les Russes. » D'ailleurs, c'est lui qui le dit. Et donc, Touadéra va voir Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de Poutine, et ils envoient des instructeurs, du matériel militaire, et petit à petit, des mercenaires de cette firme qu'on appelle Wagner, qui n'a aucune existence légale, mais qu'on retrouve beaucoup à l'œuvre en Syrie, en Libye, même au Mozambique, voilà, donc qui est un peu la tête chercheuse de l'influence russe dans le monde. Et donc, ils viennent sur place. Bien évidemment, ce n'est pas des enfants de cœur. On les a croisés, d'ailleurs, il n'y a pas que des Russes. Il y a des Ukrainiens, il y a des Tchétchènes, il y a des Syriens. Voilà, ils ne sont pas là pour les beaux yeux de la princesse ou pour aider les soldats, pour aider la population centrafricaine. Mais en tout cas, ils font preuve d'une certaine efficacité, puisqu'ils ont permis, ce qui est une première, à la République centrafricaine, en tout cas au gouvernement centrafricain, de reprendre la quasi-totalité du territoire national, ce qui n'était plus arrivé depuis le début des années 2000, même si effectivement ils sont coupables d'exactions et qu'ils se remboursent sur la bête, parce qu'évidemment ils ne sont pas là pour les beaux yeux de la princesse, ils sont là parce qu'ils peuvent bénéficier de la manne, les diamants, l'or, ils ont même contrôlé pendant plusieurs mois une partie de la douane centrafricaine, donc évidemment il y a une sorte de deal, mais au moins eux ne se drapent pas dans les droits de l'homme, hein, pour mener leurs actions en Centrafrique. D'accord. Alors justement, si on considère tout ce que tu viens de nous expliquer, quel avenir il y a aujourd'hui pour la population centrafricaine, puisque donc on le voit d'ailleurs dans le reportage, ça va mieux quand même qu'il y a quelques années. Il y a moins de massacres qui ont lieu, mais il y a toujours des problèmes et des poches sporadiques un peu de où il se passe encore des choses assez graves. On n'est pas seulement resté à Bangui. On est une des seules équipes de journalistes qui a pu sortir. Depuis 6 mois, depuis l'attaque qu'il y a eu en janvier sur la capitale Bangui, qui a pu sortir de la capitale et aller en province. Donc on est allé à Bambari, au centre du pays, qui est un peu une Centrafrique en miniature, qui concentre tous les problèmes de la Centrafrique depuis l'époque de la Séléka jusqu'à la présence aujourd'hui des Russes. Ça veut dire qu'en 2013, quand la Séléka est arrivée, il y a un chef de guerre qui s'appelle Ali Darassa qui s'est installé à Bambari, qui était pas du tout centrafricain, il venait de la frontière tchado-nigérienne. Donc il s'est mis en place, il est de la communauté Peul, et évidemment, les Peuls qui étaient assez persécutés parce que ce sont des nomades qui étaient souvent raquettés, se sont mis un peu sous son aile. Mais il n'en reste pas moins qu'Ali Darassa a commis des massacres, des pillages, et pour ça d'ailleurs il a été, non pas jugé, mais récompensé, puisque le secrétaire général adjoint de l'ONU, le français Lacroix, en 2019, on l'a installé comme autorité militaire de Bambari, donc en récompense de tous ces crimes. Et d'ailleurs, il y a un rapport de l'ONG américaine The Sentry qui a montré que Castel, le brasseur français, qui a une usine de sucre via une de ses filiales là-bas, a payé des redevances à ce chef rebelle-là pour continuer à faire tourner son usine. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au début de l'année, après plusieurs allers-retours, finalement, ce chef rebelle-là a été chassé de Bambari lors d'une attaque menée par l'armée centrafricaine, appuyée par les paramilitaires russes, et aussi l'armée rwandaise, puisque on l'oublie souvent, mais les forces rwandaises appuient le président Faustin Archange Touadéra dans sa reconquête du territoire. Et effectivement, on a pu rencontrer des populations, notamment de la communauté Peul. Effectivement, les mercenaires russes ont commis des exactions, ont commis des bavures, notamment dans une mosquée, en tirant sur des civils. Et toute la lumière doit être faite là-dessus. Parce qu'évidemment, la population souffre, parce que les mercenaires russes peuvent avoir une certaine efficacité, il n'en reste pas moins qu'ils ont commis des exactions et qu'ils font preuve d'une certaine brutalité à l'endroit de la population. Hein. Je peux vous dire qu'à Bambari, ils ne sont pas forcément très aimés. Et d'ailleurs, c'est tout à l'honneur du gouvernement de la République centrafricaine qui a reconnu, peut-être après des pressions, mais qui a reconnu le fait que les paramilitaires russes, les partenaires russes ont commis aussi des atteintes aux droits de l'homme, comme d'ailleurs commettent aussi les rebelles. Hein, les rebelles qui continuent à exister par poche un peu sporadique. Et pour la République centrafricaine, moi ce qu'on peut finalement souhaiter, c'est qu'au-delà des ingérences françaises, des ingérences russes et des ingérences des autres pays, c'est un pays qui arrive à se reconstruire. On a souvent considéré la République centrafricaine comme une sorte d'état néant, d'état failli. Peut-être, sans doute. Mais c'est un pays où les gens sont résilients, où les gens ont appris à revivre ensemble. Après les drames, les horreurs qui se sont passées, c'est pas rien quand même de vivre avec un voisin qui a peut-être commis des crimes contre votre famille, c'est pas rien. Ou aussi il y a une langue qui est là, une langue nationale, je parle du sango, hein, qui est la langue nationale, en plus du français, qui est parlé en Centrafrique du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et c'est un ferment pour qu'une nation puisse advenir. Donc moi, je suis assez optimiste. J'espère que justement la Centrafrique pourra arriver à se reconstruire par elle-même, par ses propres habitants, par ses propres enfants, et pourra laisser ses démons derrière elle. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter après tout le mal qu'elle a connu. Merci Thomas d'être venu sur le plateau du Média donc, pour nous parler de la Centrafrique. Donc, vous avez réalisé un reportage avec Philippot qui est sorti il y a quelques semaines et qui est toujours disponible sur le site du Média TV. Et donc vous étiez parti 2 semaines, il me semble, c'est ça, pour 2 semaines de tournage. Donc voilà, on vous le rappelle quand même, ça coûte cher de faire des reportages, notamment quand c'est à l'international. Donc si vous pouvez continuer à nous soutenir, faire des dons, abonnez-vous au Média pour qu'on puisse continuer à produire de l'information comme ça de qualité. Merci Thomas en tout cas d'être venu. Merci. Sera question d'histoire. Française, française. I have a dream. Je suis contre la peine de mort. Le 9 octobre 1981, la France abolit définitivement la peine de mort. Portée par le ministre de la Justice Robert Badinter, avocat fervent abolitionniste, cette loi marque l'aboutissement d'un débat qui divise la France depuis 2 siècles. Je dis que cette conception-là de la justice n'est pas celle des pays de liberté, précisément parce qu'elle emporte en elle de significations totalitaires. La France est alors l'un des derniers pays d'Europe occidentale à supprimer la peine capitale. Jeudi mai 1981, à l'aube d'une nouvelle décennie, les Français élisent un nouveau président, François Mitterrand. C'est le grand retour de la gauche après 23 années de droite au pouvoir. Au revoir. Mitterrand promet de réformer la société française en profondeur. Augmentation du SMIC, retraite à 60 ans, création d'un impôt sur la fortune, abolition de la peine de mort. Je suis contre la peine de mort. Abolir la peine de mort. Depuis deux siècles, nombreuses sont les voix qui s'élèvent contre cette sentence glaciale. Instaurée pendant la Révolution française, elle devait abréger les souffrances et permettre l'égalité devant la mort. Une peine inhumaine et barbare, mais surtout inutile, sans aucune incidence sur la courbe de criminalité. Pourtant, l'opinion reste majoritairement en faveur de la peine capitale. Elle prône l'exemplarité, la mort pour les coupables. La guillotine demeure. Je suis pour la peine de mort. Dans les années 70, plusieurs affaires criminelles font frémir le pays et ralentissent encore davantage les mouvements abolitionnistes. Ils ont assassiné ma belle-sœur. Ils l'ont assassinée, mère de deux petits-enfants. Oh. Éventré. Buffet, Ranucci, Carin, Henri, des noms qui remplissent d'effroi la tête et le cœur des Français. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La haine et la peur anéantissent la raison. La foule réclame la mise à mort. Le jury condamne Buffet-Claude et Bontemps-Roger à la peine de mort. Silence ! Expulsez cet individu qui s'est levé pour applaudir. C'est honteux ! En 1976, l'affaire Patrick Henry, particulièrement odieuse et extrêmement médiatisée, marque les esprits. Salaud, le mot a été employé et vous venez d'en voir un sur votre écran. C'est celui qui a tué un enfant de 7 ans. Pourtant, malgré l'horreur et la haine, cette affaire sera décisive pour l'abolition de la peine capitale. Le 18 janvier 1977 s'ouvre le procès de Patrick Henry. Si j'étais juré, je me prononcerais pour la peine de mort. Je veux la peine de mort, pour moi, il n'y a que ça pour moi. Patrick Henry échappe à la guillotine et est condamné à perpétuité. Derrière cette décision qui suscite l'indignation populaire, le combat acharné d'un jeune avocat, Robert Badinter. Vous devez, vous jurer, décider que vous allez tuer quelqu'un qui est devant vous. Il transforme l'affaire Patrick Henry en procès contre la peine de mort et parvient à convaincre les 12 jurés de ne pas faire exécuter le criminel. Patrick Henry n'aura pas la tête tranchée. À l'Assemblée nationale, le débat est relancé et de nouveaux amendements abolitionnistes sont présentés. Abolition de la peine de mort. Le débat, toujours ouvert, reprend de plus belle dans l'opinion. Est-on pour ou contre la peine de mort ? Son caractère d'exemplarité existe-t-il vraiment ? Moi, je crois qu'on n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Si on condamne quelqu'un à mort parce qu'il a tué, pourquoi on le tue ? Alors, je veux dire, ça ne rime plus à rien. Mais quelques mois plus tard, la guillotine frappe une dernière fois. Un condamné à mort a donc été exécuté ce matin à la prison des Baumettes pour assassinat, viol, coups et blessures. Il faudra attendre l'élection de François Mitterrand et son ministre de la Justice, Robert Badinter, pour que la peine capitale soit rayée du code pénal, malgré une opinion publique encore favorable à son maintien. Elle est alors remplacée par la prison à perpétuité. La peine de mort est encore appliquée dans 56 pays. En 2017, on recensait 993 exécutions, auxquelles il faut ajouter celles classées secret d'État en Chine, plusieurs milliers d'après Amnesty International. Tant que je vivrai, je combattrai la peine de mort. Messieurs les assassins, commence en les tuant. On recommence le sang d'un condamné à mort. C'est du sang d'homme, c'en est encore. C'en est encore. Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les heureux même sont tremblants. La mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça prend le temps, le manche des mauvais jours finiront. Et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mer au côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau menacé par la terreur de tous les chenapans de bouge, valets de rois et d'empereurs. Lui met sa branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Nous voilà rendus aux jésuites, aux MacMahon, aux Dupont. Il va pleuvoir des eaux bénites, les troncs vont faire un argent fou. Des demains en réjouissance, et Saint-Eustache et l'opéra vont se refaire concurrence. Le bagne se peuplera. Lui met sa branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les manons, les lorettes et les dames des bouffons porteront sur leur collerette des chasse-pots et des tambours. On mettra tout au tricolore, les plats du jour et les rubans, pendant que le héros Pandore fera fusiller nos enfants. Oui, mais ça prend le temps, le manche, les mauvais jours. Les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service, et le pistolet en sautoir. Sans pas sans travailler, sans armes, nous allons être par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuples et des curés. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple coule de misère, sera-t-il donc toujours rivé? Jusque à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusque à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la république de la justice et du travail? Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre. En Guadeloupe, en pleine pandémie, il n'y a pas d'eau pour se laver les mains. Les habitants s'approvisionnent avec des citernes qu'ils ont eux-mêmes payées ou avec des tours d'eau. Les enfants ratent jusqu'à un mois et demi de cours par an parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école. Les nappes phréatiques sont polluées au chlordécone qui empoisonne les corps et les terres. Mais rassurez-vous, le RAID et le GIGN sont sur place. En Guadeloupe, au pic de l'épidémie, il n'y avait pas de masques, pas de tests, pas de médicaments, pas de respirateurs. L'été dernier, à l'hôpital de Pointe-à-Pitre, on comptait seulement 2 infirmiers pour 100 patients. Avec 20% de lits en moins, l'hôpital était devenu un mouroir. Mais rassurez-vous, le RAID et le GIGN sont sur place. En Guadeloupe, le taux de chômage s'élève à 17%. 60% des moins de 30 ans n'ont pas d'emploi. Un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. Pourtant, les prix de l'alimentaire sont supérieurs de 32% à ceux de France hexagonale. Mais rassurez-vous, le RAID et le GIGN sont sur place. Monsieur le Premier ministre, vous auriez pu investir dans l'hôpital public, dans les canalisations en ruine, dans la dépollution des terres. Vous auriez pu déclencher en urgence le plan Orsec eau potable, bloquer les prix sur les produits de première nécessité, écouter les revendications de la population qui, ne vous en déplaise, déborde largement les seules questions de mesures sanitaires. Mais non, à la place, vous instaurez un couvre-feu arbitraire et envoyez le RAID et le GIGN comme s'il s'agissait d'ennemis de la République. La matraque n'a jamais été une réponse à la colère sociale. Monsieur le Premier ministre, si vous voulez la paix, le rétablissement de l'ordre républicain, comme votre ministre l'a dit avec outrance et mépris, commencez par mettre un terme à la maltraitance sociale de nos compatriotes guadeloupéens. En Guadeloupe et en Martinique, la situation est très grave. Vous devez impérativement choisir la désescalade et le dialogue. On ne lutte pas contre une épidémie en réprimant le peuple. Merci, Madame la Présidente. Maintenant que la jeunesse s'éteint au carreau bleu, maintenant que la jeunesse machinale m'a trahi, maintenant que la jeunesse, t'en souviens-tu, souviens-t'en, maintenant que la jeunesse chante à d'autres le printemps, maintenant que la jeunesse détourne ses yeux lilas. Là, maintenant que la jeunesse vers d'autres chemins légers, maintenant que la jeunesse suit un nuage étranger, maintenant que la jeunesse a fui voleurs généreux, me laissant mon droit d'aînesse et l'argent de mes cheveux. Il fait beau à n'y pas croire, il fait beau comme jamais. Quel temps, sans mémoire, on ne sait plus comment voir, ni se lever, ni s'asseoir. Il fait beau comme jamais, c'est un temps contre nature, comme le ciel des peintures, comme l'oubli des tortures. Il fait beau comme jamais. Comme l'eau sous la rame, un temps fort comme une femme, un temps à damner son âme. Il fait beau comme jamais, un temps à rire et courir, un temps à ne pas mourir, un temps à craindre le pire. Il fait beau comme jamais. C'est une sorte de tragédie à journée que cette relation que dorénavant le gouvernement a avec les Outre-mer. Je ne voudrais pas que l'on ne retienne qu'une chose de tout cela, c'est les incendies et les scènes de pillage qu'on a pu observer ici ou là. Ce n'est pas le fond de l'affaire, même si cela exaspère tout le monde sur place, et ici, cela va de soi. Le fond de cette affaire, c'est qu'à un moment donné, explose l'exaspération contre l'état d'abandon. Ici, dans l'Hexagone, on a du mal à réaliser ce que c'est que de vivre à la Guadeloupe, où il y a en permanence des coupures d'eau partout sur le territoire, avec des tours d'eau, c'est-à-dire des moments où l'un de l'eau et des moments où on n'en a plus, pour ne prendre que cet exemple qui mine la vie quotidienne. On n'a pas idée dans l'Hexagone de ce que c'est que de vivre en sachant que chaque fois qu'on vous fait une prise de sang, qui que ce soit, où que ce soit, On trouve dans votre sang du chlordécone, qui est un pesticide qui a été répandu dans les bananeraies, qui a contaminé toutes les terres et toutes les eaux. Alors même que ce pesticide était interdit aux États-Unis depuis la fin des années 70 et qu'il l'était en France depuis le début des années 90. On a du mal à réaliser dans l'Hexagone ce que c'est que d'avoir une jeunesse entière qui, jusqu'à l'âge de 25 ans, est jusqu'à des proportions de 70% au chômage. Une jeunesse à qui on répète du matin au soir, reste à la maison, ne va pas sur la plage, ne fais pas la fête, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et comme a dit une mère de famille récemment que j'écoutais sur une vidéo, nous n'avons pas élevé des chiots, nous avons élevé des enfants et ces enfants aspirent à vivre. De tous côtés, les voies de la vie semblent coupées. Alors j'ai pris là quelques exemples. Je pourrais continuer la liste, elle serait accablante. Pourquoi est-ce que en Guadeloupe, on est plus malade qu'ailleurs du diabète? Pourquoi est-ce que en Guadeloupe, on est plus malade qu'ailleurs des maladies du cœur? Eh bien parce que les règles concernant le sucre dans les aliments ne sont pas respectées en Guadeloupe et que donc les facteurs de comorbidité avec le Covid-19 sont plus étendus sur ce territoire qu'ailleurs. Je viens d'évoquer la Guadeloupe. Il était absolument évident qu'on allait au-devant d'un incident. C'est au point que je me demande si d'aucuns n'ont pas eu l'idée d'organiser un bras de fer pour prouver leur autorité. Pourquoi ? Parce que cela fait plus de 4 semaines que chaque samedi, il y a des manifestations en Guadeloupe pour demander que ne soit pas appliquée la suspension des personnels de soins qui ne sont pas vaccinés. Il faut savoir qu'il s'agit de très peu de monde. 85% des personnels sont vaccinés. Et qu'au nom de ces très peu de monde, a été prise une mesure de suspension qui a tout désorganisé. Car évidemment, moins 15% d'effectifs dans un hôpital, ben ça se voit tout de suite. Et pareil chez les pompiers. Alors ensuite, c'est l'escalade. Il y a là-bas 2250 gendarmes. C'est une relation à une population citoyenne qui n'est pas acceptable. On ne peut pas vouloir, comme ça, maintenir à la chicotte des gens en rang. Ce n'est pas possible. Y avoir envoyé le GIGN et le RAID est une provocation absolument inutile. Le RAID et le GIGN sont deux unités d'élite qui ont pour tâche la lutte contre les actions terroristes. C'est-à-dire, c'est un très haut niveau d'action qu'on peut qualifier quasiment de guerre, dans lesquelles ces personnels sont des super spécialistes. Qu'ont-ils à voir avec des manifestations de rue ou des saccages dans des magasins? Alors, il ne faut surtout pas résumer la situation aux flammes et aux incendies. Il faut la comprendre dans sa profondeur pour trouver les moyens d'aller vers de l'apaisement. Mais plus les jours passent, plus les heures s'ajoutent aux heures, plus le ton monte, plus les provocations s'exagèrent, plus il est difficile de venir à bout du sentiment d'exaspération générale qui embrase toute la population. J'ajoute que la démonstration qui est faite à la Guadeloupe peut aussi rajouter, un élément de frustration de plus. La Guadeloupe avait placé en tête de la présidentielle Emmanuel Macron. On imagine que la déconvenue est encore plus grande là-bas qu'elle est ailleurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans l'ensemble des départements et territoires d'outre-mer que dorénavant, des questions se posent sur la façon de gérer la crise sanitaire, bien sûr, mais le fait que cette crise sanitaire se superpose à toutes les autres crises. C'est le cas à la Martinique. C'est le cas en Guyane, où par un excès incompréhensible de raideur, de brutalité, on a installé une situation de tension avec le syndicalisme en Guyane qui pourrait aboutir à des mesures et des décisions de mobilisation qui seraient extrêmement nuisibles pour le pays. Puisque, comme vous le savez peut-être, au mois de décembre, il est prévu de tirer depuis le port spatial de Kourou, le plus grand satellite et le plus grand observatoire d'étoiles que l'humanité ait jamais produit. J'adjure donc le gouvernement de renoncer à l'utilisation électorale de la répression en Guadeloupe et dans les autres territoires et départements d'outre-mer pour incarner dans l'élection le parti de l'ordre. Ce n'est pas la question qui est posée. La question de fond qui est posée, c'est les questions sociales et c'est le désamour qui est en train de s'installer à un moment où les affects sont à vif dans tous ces territoires avec la patrie commune. Et dans cette situation, ce n'est donc ni de RAID, ni de GIGN, ni de violence d'aucune sorte dont on a besoin venant de l'État, mais de réconfort, d'écoute et de décision. on gagnerait du temps si on envoyait là-bas le matériel et les tuyaux pour rétablir l'eau potable partout, l'eau courante partout dans l'île, plutôt que d'y envoyer des gendarmes pour courir après des jeunes gens dans la rue. Je le dis avec émotion parce que je vois depuis des mois la situation se dégrader. Nous avons été nombreux, venant de divers horizons, à nous en préoccuper, à alerter le pouvoir, avec l'impression en permanence qu'il considère que tout ça est très lointain, très exotique, et que d'une certaine manière, on verra bien, ils ont qu'à se débrouiller entre eux. Je n'accepte pas cet état d'esprit. Et vraiment, je le redis à tous ceux qui nous entendent, non, la Guadeloupe et les autres départements et territoires d'outre-mer, ce n'est pas seulement la violence que vous observez. C'est une situation plus profonde, et la patrie a un devoir à leur égard. Le fait que Sébastien Lecornu ne soit pas rendu sur place, qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est pas un grand courageux, hein. On a déjà vu des situations comparables, je vous le rappelle, en Guyane, où à la fin plus personne ne voulait aller, et où on laissait les choses tourner en rond. Je crois que peut-être... Normalement, la place d'un ministre, quand ça va mal quelque part, c'est d'y aller. C'est d'ailleurs le rôle du ministre, hein. En principe, on fait ça. Mais peut-être se sait-il déjà tellement impopulaire et tellement mis en cause qu'il n'ose plus y aller. C'est sans doute le cas le plus vraisemblable. Il dit que sa présence aggraverait la situation. C'est possible. Mais alors, il faut que, ou bien qu'il s'en aille, ou bien qu'on en ait un autre, ou bien qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais on ne peut pas rester sur le registre paternaliste et d'admonestation qui a été le cas de ce qu'on a vu hier soir. Bon. La Guadeloupe n'est pas une île peuplée d'enfants. C'est une île peuplée de gens adultes, majeurs, qui savent ce qu'ils veulent et qui n'ont pas tellement l'habitude de supporter qu'on leur parle sur ce ton. Autre chose. Cette instance de dialogue qui a été annoncée par le Premier ministre, on ne sait d'ailleurs pas trop en quoi elle consiste. Est-ce que c'est justement, on ne sait pas. Est-ce que c'est une mesure qui, à votre sens, est susceptible de faire baisser la tension sur place ? Tout ce qui pourra faire baisser la tension sera bienvenu, mais j'adjure qu'on comprenne que les gens ne se paieront pas de mots, parce que ça, on leur a déjà fait. Hein. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est que l'État, qui a quand même une responsabilité, une possibilité, on est capable de déclarer des états d'urgence sécuritaires, sanitaires, que sais-je encore. On doit bien être capable de temps à autre de déclarer un état d'urgence. Je commence à la régler. Enfin, expliquez-moi voir pourquoi on n'est pas capable de rétablir l'eau courante en Guadeloupe. Pourquoi on n'est pas capable de dire, ben voilà, ça va prendre tant de temps et à tel moment, vous pourrez vérifier vous-même que ça a été fait. Pourquoi on ne peut pas décider qu'on va diminuer maintenant pour de vrai la quantité des sucres qui sont présents dans les aliments qu'on vend là-bas ? Pourquoi on ne peut pas prendre une mesure exceptionnelle qui permette, par exemple, d'organiser un système d'emploi jeune permettant une part de la jeunesse de cette île d'avoir une vie, quoi. Tout simplement une vie, pas autre chose. Imaginez-vous ce que c'est que de tourner en rond sur une île où vous n'avez aucune espèce de perspective. Comment vous faites pour dire à vos enfants « respectez la loi, l'ordre et toutes ces choses-là » Bien sûr que tout le monde voit bien que la loi et l'ordre, qu'on n'arrête pas de repeindre en ordre républicain, n'a rien de républicain, puisqu'il n'a rien d'égalitaire et aucun rapport avec la liberté. Vous voyez, donc on peut espérer, on peut vouloir, mais non, il faut maintenant du sérieux. Et il faut mettre des choses tangibles sur la table, montrer qu'on a compris où sont les problèmes. Et déjà commencer par dire qu'on ne licenciera pas, on ne suspendra pas les personnels qui ne sont pas vaccinés, exactement comme on l'a fait en Martinique. Hein ? Il faut arrêter des raideurs d'autorité qui ne mènent nulle part. L'autorité, ça ne fonctionne que quand c'est respecté. Et pour qu'une autorité soit respectée, il faut qu'elle soit respectable. C'est donc au pouvoir de rendre respectable l'autorité pour qu'elle soit respectée. Je ne sais mieux vous dire, connaissant de près les populations dont il est question, que ce soit la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, et pour les connaître d'assez près pour savoir que tout ce qui est, d'une part, de l'abandon, et en plus le sentiment d'attenter à la dignité des gens, est extraordinairement mal vécu pour toutes les raisons historiques que vous connaissez. Autre sujet, le Premier ministre Jean Castex a testé positif au coronavirus. Beaucoup lui reprochent de ne pas avoir été assez responsable, il serrait beaucoup de mains. Un petit mot sur le sujet ? Bon, d'abord, je souhaite qu'il n'y ait rien de grave, hein, parce que, naturellement, il a une fonction, comme beaucoup d'élus, beaucoup de responsables politiques, où on est très exposé. Et bon, vous voyez, moi j'arrive avec le masque, je l'enlève pour vous parler, je vais le remettre, mais je ne peux pas vous jurer que je pense absolument, tous les 5 minutes, à aller mettre du gel. Donc je trouve que c'est pas ça la vraie leçon à tirer. Du fait qu'il soit contaminé au Covid, la leçon qu'il faut tirer, c'est qu'il est vacciné et contaminé. Ce qu'on sait depuis le début, il n'y a pas de surprise. Mais c'est précisément parce qu'on sait qu'on peut être vacciné et contaminé que le pass sanitaire est une illusion. de contrôle de la situation. Des tas de gens qui ont le pass sanitaire et qui sont vaccinés considèrent que c'est fini. Pour eux, le problème n'existe plus. Et donc, en effet, des fois, ça conduit à avoir des gestes qui ne sont pas appropriés aux circonstances. Et surtout, ça met à l'ordre du jour, à mon avis, le fait qu'on a pu s'en rendre compte parce qu'on a testé. Si on ne l'avait pas testé, on ne pouvait pas le savoir. Il n'avait pas de symptômes. Bon. Donc, je demande de nouveau que l'on rétablisse les tests gratuits pour tout le monde et pas seulement pour ceux qui sont vaccinés. Et je demande qu'on me réponde avec mieux que des formules générales ou ironiques. Parce que nous avançons vers les réveillons, celui de la Noël et celui du jour de l'an, qui sont les rites les plus sacrés des Français, hein, la trêve des confiseurs. Et donc, pour cette trêve des confiseurs, il faut donner à chacun le moyen de se comporter d'une façon responsable, c'est-à-dire en sachant qu'il est contaminé ou pas. Et dès lors qu'on est contaminé, je pense que n'importe qui comprend que ce n'est pas le moment d'aller à une réunion familiale et contaminer tout le monde. Pour que tout le monde puisse prendre ses garanties, il faut que le gouvernement rétablisse le test gratuit, comme je l'ai demandé la semaine dernière. Je pense que c'est une idée qui fait son chemin. En tout cas, il ne faut pas que le gouvernement le prenne comme une atteinte à son autorité ou je ne sais quoi. Non, c'est juste une mesure de bon sens et qu'il y a des objectifs sanitaires du moment. Voilà, on vit avec la Covid, sans doute devrons-nous vivre avec elle pendant assez longtemps, et donc il faut maintenant savoir déployer toute la batterie des moyens dont on dispose pour la combattre. Même si le mois de mai ne vous a guère touché, même s'il n'y a pas eu de manif dans votre rue, même si votre voiture n'a pas été incendiée, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous avez faim de croire qu'il ne se passait rien, quand dans le pays entier les usines s'arrêtaient, même si vous n'avez rien fait pour aider ceux qui luttaient, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous avez fermé votre porte à notre nez une nuit que nous avions les CRS au talon, si vous nous avez laissé matraquer sur le palier, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si dans votre ville tout est resté bien tranquille, sans pavés, sans barricades, sans blessés, sans grenades, même si vous avez gobé ce que disait la télé, même si vous vous en foutez, chacun de vous concerné. Même si vous croyez maintenant que tout est bien comme avant, parce que vous avez voté l'ordre et la sécurité, même si vous ne voulez pas que bientôt on remette ça, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Président, ministre, collègues, le texte que nous avons à examiner contient une série de dispositions et je m'en tiendrai à deux d'entre elles pour expliquer les raisons pour lesquelles nous rejetterons ce texte. Ma première observation portera sur l'indemnité qui est prévue pour les agriculteurs en raison du gel qui a dévasté les productions nationales il y a de cela quelques mois. Ce n'est pas tant que je veuille protester contre cette indemnité, mais plutôt souligner la situation singulière de l'agriculture dans ce moment. Il se trouve que, justement, là nous sommes en train de parler, et vient d'avoir lieu un vote au Parlement européen sur la nouvelle PAC qui a été adoptée par 452 voix, dont pas une des nôtres, et 178 contre toutes les nôtres. Cette nouvelle PAC européenne renonce à être en fait une politique agricole commune, elle renationalise les politiques agricoles. Alors, je n'engage pas le débat de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Sous cet aspect, j'en déduis ce qui doit être déduit de ce type de choix. C'est que l'Europe n'a pas d'ambition agricole. L'Europe a une ambition productiviste. Elle aide des entreprises dites agricoles à produire tout, n'importe quoi, n'importe comment, du moment que ça se vend sur le marché mondial. et la France restera dans la situation singulière qui est la sienne, qui est que compte tenu de ce modèle agricole, eh bien elle n'a pas de souveraineté alimentaire. 50% de ce qu'elle consomme est importé, tandis qu'elle exporte une quantité considérable de maïs pour des poulets chinois et autres produits pour des cochons de l'Inde et des animaux de tous les pays du monde, sauf ceux qui nous intéressent ici. Ce serait rien si nous n'étions pas dans un contexte où vient d'avoir lieu une action qui a été signalée contre le suicide des agriculteurs. Ils s'en suicident un par jour et ça fait des mois et des mois que ça dure. Cela suffirait n'importe où ailleurs pour déclencher une situation d'alarme générale. Non, il ne se passe rien. Il se suicide 30% de gens de plus que c'est le cas dans les autres professions. Un agriculteur sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté. Personne n'arrive à croire une chose pareille dans un pays dont la terre est si riche que l'est la terre de France et la possibilité pour elle de produire ce dont elle a besoin. Par conséquent, cette introduction me servira à être un signal d'alerte pour que, enfin, on change de modèle agricole, qu'on se donne pour objectif la souveraineté alimentaire et qu'on réquisitionne toute l'agriculture pour qu'elle produise ce dont ont besoin les Français, c'est-à-dire d'agriculture vivrière capable d'alimenter en produits bio la totalité de ses cantines et la nourriture de ses enfants. Le second point sur lequel je vais intervenir maintenant, c'est celui des différentes indemnités que vous avez prévues pour faire face à l'augmentation, que dis-je, à l'explosion des prix de l'énergie. Naturellement, ce n'est qu'un début. Nous allons voir dans toutes sortes de domaines, dorénavant, l'inflation est là. Alors, il y a maintenant une génération entière, 25 ans, que personne n'était habitué à traiter du problème de l'inflation, c'est-à-dire de l'augmentation continue des prix. L'inflation a aussi des fois des vertus. Mais elle n'en a que quand on la contrôle. Quand on ne la contrôle plus, elle n'en a aucune. L'expérience des années 60 montre que ça peut ne pas être désastreux. L'expérience des années 70 montre que ça peut être handicapant. Et la lutte implacable qui a été menée ensuite dans les années 80 montre que ça peut être asphyxiant. En attendant, pour faire face à la question de l'énergie qui résulte à 100% d'une organisation désastreuse du marché de l'énergie en Europe, qui est alignée sur le coût marginal le plus élevé, celui qui résulte des entreprises qui produisent à plus haut prix l'électricité à partir du gaz le plus cher, eh bien, nous avons une explosion des prix qui fait que 12 millions de Français préfèrent baisser le chauffage, être en dessous du niveau auquel ils n'ont plus froid, plutôt que de devoir se vider les poches. Et que l'augmentation du prix de l'énergie a accéléré d'un seul coup les calculs impossibles que les ménages doivent faire pour savoir s'ils vont se chauffer plutôt que se nourrir plutôt que se transporter ou se loger. L'augmentation du prix de l'énergie a donc touché au vif le nerf de l'organisation collective et de la vie commune des Français. Et quelle est notre réponse, ou plus exactement, quelle est la vôtre? Au prix du gaz qui a augmenté de 57% depuis le début de l'année, je voudrais rappeler d'abord que la privatisation du marché du gaz était censée voir les prix baisser. C'est tout le contraire qui s'est produit. Mais quelle est la solution qui est apportée? Alors vous dites, nous donnons 100 euros de chèque énergie à 3,5 millions de chômage. De ménage, excusez-moi. Et une indemnité inflation de 100 euros pour 38 millions de Français. Alors les chiffres sont extrêmement décoratifs. La réalité, elle est beaucoup moins. 100 euros, ce n'est quasiment rien, compte tenu de l'augmentation du prix, mais surtout, c'est 3,8 milliards d'indemnités. 600 millions pour le chèque énergie, 1,2 milliard pour indemniser qui? Les fournisseurs. Cela a été voté dans la loi de finances. Total, 5,6 milliards d'euros ont été pris et seront pris dans le trésor public pour permettre au trésor privé de continuer à s'accumuler, tandis que le trésor privé, lui, celui des très grandes entreprises fournisseurs, n'a pas été touché d'un seul euro. On n'a pas eu la mauvaise manière de leur demander quoi que ce soit. Or, si l'on avait pris 10% des profits des entreprises qui fournissent, je dis bien 10% seulement, il y avait de quoi tirer 500 euros par abonné au gaz, c'est-à-dire leur rembourser la totalité de la dépense supplémentaire qu'ils ont dû faire pendant l'année, depuis 2017, puisque ça augmente tous les ans. Le trésor privé est là, et c'était à lui de payer. Et c'est à cela que vous avez renoncé, tout le contraire. Tout le contraire. Alors même qu'au troisième trimestre, Total a multiplié ses bénéfices, Total a multiplié ses bénéfices par 23. Il semble que quand on multiplie par 23, il doit quand même bien avoir quelque chose qui puisse être pris pour le commun des mortels et la satisfaction de la qualité de la vie quotidienne. La solution est là. Il faut bloquer les prix. Qu'on ne me dise pas que cela n'est pas possible. Il ne faut surtout pas reporter les hausses à après la présidentielle. Il faut bloquer les prix de l'énergie, du carburant, de l'alimentation. Mais je reste sur le chauffage et sur l'énergie. Peut-on bloquer les prix ? Oui. Article 410.2 du Code du commerce. Ce blocage est autorisé quand il y a une situation de crise, j'ouvre les guillemets avant de situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation anormale du marché dans un secteur déterminé. C'est très exactement la situation que nous rencontrons. Par conséquent, nous sommes fondés à proposer légalement, légitimement, le blocage des prix. Est-ce que cela s'est déjà vu dans la période récente, c'est-à-dire depuis la période de l'enthousiasme aveuglé pour le libre marché, la concurrence libre et non faussée et autres fadaises qui nous ont amenés à la ruine actuelle? Oui, cela a été fait une première fois sur la question des carburants par M. Michel Rocard en 1991. Et plus récemment, par le gouvernement communiste d'Emmanuel Macron, qui a établi un blocage des prix pour les masques et le gel hydroalcoolique. Chacun a compris que je voulais plaisanter, mais comme vous ne réagissez pas, je crains que vous n'ayez pas bien compris. C'était une blague, hein ? D'accord, voilà, c'était une blague. Pour dire que si le gouvernement d'Emmanuel Macron l'a fait pour les gels et les masques, pourquoi ne le fait-il pas pour l'énergie, pour l'essence et pour le gaz ? Ces raisons m'amènent pour utiliser complètement la réflexion que la situation particulière des crises que déchaîne la pandémie et que nous ne faisons que commencer à voir. Car l'interruption des chaînes de production qui ont été volontairement, massivement globalisées au titre de la mondialisation qui paraît-il de n'être que bien fait et baisse des prix pour tout le monde, fait que dorénavant, ces chaînes se sont interrompues et que surgissent des explosions de prix dans des secteurs tout à fait décisifs comme la construction et autres. Voici qu'on manque de bois, on manque de fer, on manque de toutes sortes de produits dans notre pays que nous étions jusqu'à une date récente parfaitement capables de produire. Alors il faut s'interroger sur ce qui doit être dans et hors le marché. L'énergie doit être mise hors marché. Les réseaux d'énergie ont toujours été des monopoles naturels. Et on ne parvient à établir le marché qu'à partir de trafics de toutes sortes où le producteur principal pour l'énergie électrique est EDF, transporté par Réseau public de France, à qui on demande de faire des rabais pour permettre à des producteurs privés de vendre à leur tour. Non, cela n'est pas un marché, c'est tout simplement un piratage. Il sera toujours plus efficace d'avoir un réseau d'électricité que deux. Il faut revenir au monopole d'État. Nous proposons un pôle public de l'énergie. Il faut abolir totalement les coupures d'électricité. Il y en a 600 000 par an. Il faut rendre gratuit les premiers kilowatt-heure et mètres cubes d'eau. Il faut rendre possible, en toutes circonstances, que l'on soit pauvre ou pas, la dignité de l'existence. Merci pour votre attention. À l'hôpital, c'est l'heure de la visite. Le médecin en chef passe devant les lits. Numéro 13. Qu'est-ce qu'elle a, cette petite? C'est la blessée qu'on amena cette nuit. N'ayez pas peur, faut que je sonde votre blessure. Deux coups de couteau, près du cœur, y a plus de sang. Non, pas perdu, à votre âge on est dur. Seulement tout de même, faut prévenir vos parents. Mais la mourante alors a répondu: je suis toute seule depuis que maman n'est plus. On m'appelle l'hirondelle du faubourg. Je ne suis qu'une pauvre fille d'amour, née un jour de la saison printanière d'une petite ouvrière. Comme les autres, j'aurais peut-être bien tourné si mon père, au lieu de m'abandonner, avait su protéger sous son aile l'hirondelle. Docteur Repris, vous portez une médaille. C'est un cadeau, sans doute, de votre amant. Non, c'est le souvenir de l'homme du rien qui vaille, de l'homme sans cœur qui trompa ma maman. Laissez-moi lire André Marie-Thérèse, mais je la reconnais, cette médaille en argent. Et cette date, avril 93, laissez-moi seule, je veux guérir cet enfant. Vous me regardez tous avec des grands yeux, c'est mon devoir de soigner les malheureux. On l'appelle l'hirondelle du faubourg, ce n'est qu'une pauvre fille d'amour, née un jour de la saison printanière d'une petite ouvrière. Comme les autres, elle aurait bien tourné si son père, au lieu de l'abandonner, avait su protéger sous son aile l'hirondelle. Numéro 13, toujours 42 fièvres. Oui, ça ne va pas comme je l'avais espéré. Je vois la vie s'échapper de ses lèvres et rien à faire, rien pour l'en empêcher. Je suis un savant, j'en ai guéri des femmes, mais c'est celle-là que j'aurais voulu sauver. Lave-la qui passe, écoute, retiens ton âme. Je suis ton père, ma fille bien-aimée. Je ne suis pas fou, je suis un malheureux. Vous mes élèves, écoutez, je le veux. On l'appelait l'hirondelle du faubourg. C'était une pauvre fille d'amour. Et un jour de la saison printanière d'une petite ouvrière, comme les autres, elle aurait bien tourné si son père, au lieu de l'abandonner, avait su protéger sous son aile l'hirondelle. Revue de presse. Vosges Matin du mardi 23 novembre 2021. L'entrepreneur à la force tranquille. Le franchisé McDonald's, D'S, des restaurants de Nancy, incarne la réussite à l'américaine sans pour autant s'affranchir de la culture française. Alsacien d'origine, passionné de sport, Stéphane Scherrer est sur tous les fronts. Carrefour. Relever le défi du digital. Deuxième grand distributeur français, Carrefour relève le défi du digital. L'enseigne investit 3 milliards sur 5 ans. 3 milliards sur 5 ans, c'est vous qui allez payer. Pas seulement pour développer les drives, mais aussi pour le e-commerce. Dans son ensemble et l'utilisation de la data, comme l'explique Élodie Pertuiseau, responsable digital. Voilà. Hein ? Le progrès est en marche et rien n'arrêtera. Peut-être, ça dépend peut-être de nous un peu, hein, ah oui. Debout les femmes soulève l'indignation au Ciné Palace. Proposé au Ciné Palace par l'antenne vosgienne du journal Fakir, journal indépendant de reportage et d'enquête sociale fondée par François Ruffin, et La Boîte à Films, une projection du film Debout les femmes de Gilles Perret et François Ruffin a eu lieu ce vendredi devant un public nombreux. Alors, le film documentaire de Gilles Perret et François Ruffin debout a touché les spectateurs des Ciné Palace. Touchés par le film, les spectateurs ont chaleureusement applaudi à l'issue de la projection pour prendre part ensuite à une discussion. Certains ont exprimé leur compassion à l'égard des protagonistes, tandis que d'autres ont confié qu'elles partageaient la même situation. Les Ciné Palace informent que d'autres séances de Debout les femmes seront programmées au cours des semaines à venir. Bravo François Ruffin, bravo. C'est un député de la France Insoumise, François Ruffin, en même temps que écrivain et cinéaste. Ah oui, ces journées doivent être, ces nuits doivent être courtes, hein, il travaille beaucoup. Resto du cœur, la misère a de multiples visages. La campagne d'hiver des Restos du Cœur débute ce 23 novembre. Elle s'annonce difficile en Lorraine. dès qu'un centre de distribution ouvre ses portes, des dizaines de personnes affluent. Voilà, eh bien, tous les gouvernements qui ont sévi pendant 50 ans peuvent se féliciter de la situation en question. Hein? Eh oui, nos députés, nos sénateurs, nos maires, nos conseillers généraux, nos ministres, nos etc., etc., ils peuvent être félicités chaleureusement pour leur activité, parce que nous avons 6 millions de chômeurs et des millions de malheureux, des millions de pauvres, à cause de ces gens-là, à cause. Famille décimée par le Covid, Courcelles sous Châtenois sous le choc. En quelques jours, trois membres d'une même famille de Courcelles sous Châtenois sont décédés de la Covid-19. Dominique Pi, 48 ans, Odile Pi, 82 ans et Robert Pi, 89 ans, n'étaient pas vaccinés. Ils ont été emportés par le virus, laissant le village sous le choc et la famille dans la peine. Campagne des Restos du Cœur. Deux fois moins de bénéficiaires à Remiremont. Alors, Restos du Cœur, dans la même phrase que bénéficiaire, moi ça me gêne. Les bénéficiaires, les vrais bénéficiaires, eh ben, ils vont pas manger au Restos du Cœur. Ils font des bénéfices, ils encaissent des bénéfices, ils vivent de leurs bénéfices, c'est-à-dire qu'ils vivent du travail des autres, les bénéficiaires. Et puis les autres, ben, ils sont dans la misère. Voilà. Ah oui. Il y a les proies et les prédateurs. Eh oui, l'intelligence artificielle peut prédire une maladie. Les algorithmes sont-ils à la veille de prendre le pouvoir? Point d'interrogation. Le CHRU de Nancy organisait mardi son troisième forum de l'intelligence artificielle en santé sur le thème des territoires. Une journée consacrée à l'éthique en intelligence artificielle et au progrès que l'informatique va apporter à la prise en charge médicale. L'intelligence artificielle va révolutionner les pratiques médicales. Les machines sont déjà capables de poser des diagnostics prédictifs. Le CHRU de Nancy ouvre un entrepôt, entre guillemets entrepôt, de données médicales. L'intelligence artificielle émerge d'un processus artificiel, comme son nom l'indique. Ce sont des techniques informatiques qui permettent de résoudre des problèmes qui requièrent de l'intelligence. Et à suivre attentivement. Voilà. Parce que les robots ont remplacé beaucoup d'ouvriers dans les usines. Ah oui, chez Renault, Citroën, etc. La soudure des carrosseries de voitures, maintenant, elle est faite par des robots. Hein, des robots avec 9 articulations, etc. Avec une vitesse d'intervention et une précision que le pauvre corps humain n'était pas capable de fournir. Et puis les gens, ils respiraient des vapeurs, et ils en prenaient plein les yeux, plein les poumons, enfin voilà. Donc les robots peuvent remplacer les hommes dans le travail physique. Et l'intelligence artificielle, eh bien, va remplacer, a déjà commencé à remplacer, mais on ne nous le dit pas, on nous en parle le moins possible, il ne faut pas effrayer les gens, hein, a déjà remplacé les cerveaux humains dans un certain nombre de tâches. Et dans un certain nombre de... Ben, il y a des métiers peut-être qui vont être remplacés, au moins en partie, par l'intelligence artificielle. Et oui, et si ça se trouve, les députés, les sénateurs vont être remplacés par de l'intelligence artificielle. Et oui, l'intelligence artificielle, elle peut travailler 365 jours par an et 24 heures sur 24. Et puis, elle peut être beaucoup moins fragile que l'intelligence humaine, le cerveau humain, 1,2 kg de neurones, ça fait pas le poids par rapport à plusieurs tonnes de neurones artificiels. Et oui, qui se laissent pas influencer par les émotions, par les tendances, par les trucs, les machins, qui restent objectifs. Alors, objectifs, entre guillemets, à 100%. Ah, ça... Et oui, on peut arriver, hein. Attention, les gens de l'espace là de Californie, ils ont déjà pas mal investi dans ce domaine-là. Et quand on saura le pouvoir que ça leur donne, on sera bien étonné, on sera peut-être même effrayé. Alors, en Moselle, tiens, un député menacé de décapitation. Eh oui, ça devient un métier dangereux, député. Ça devient dangereux. Eh oui, parce que le chômage indispose de plus en plus les gens. Ouais, ça les fâche, ça les met en colère et ça les rend capables de voter à l'extrême droite, de faire des attentats, de faire des... Il y a toujours des conséquences, hein, oui. Quelques-uns s'en mettent plein les poches, quelques-uns s'enrichissent, et les autres finissent par s'agacer, par s'énerver, par dire, maintenant, il faut qu'on agisse, hein. Il y en a marre de... Ouais. Quand on vote blanc, quand on vote noir, ça sert à rien, alors... Il y en a qui vont être tentés d'agir autrement que par le vote. On pourra dire c'est de notre faute, mais trop tard. Remiremont, pourquoi le marché de Noël se déplace vers la place de l'Âtre, point d'interrogation. Pour tenter de relancer le marché de Noël, annulé l'an dernier pour cause de pandémie, la ville de Remiremont a carrément revu sa copie en le déplaçant. Il ne se tiendra plus rue de la Franche-Pierre et devant la mairie, mais vers la place de l'Âtre de Tassigny et du marché couvert. Voilà, le changement est en marche. Alors, d'autres choses prises sur Internet, là. Hein. 130 fusils d'assaut et 200 kilos de munitions retrouvés dans l'Eure. La menace terroriste d'extrême droite se précise. En effet, ce ne sont pas moins de 130 armes, dont des fusils d'assaut AR-15. Alors, je vous dirai pas ce que c'est que AR-15 et AK-47. Je connais pas non plus, mais bon, il y en a qui savent peut-être. Au moins 2 pistolets mitrailleurs, des armes de poing, 2 fusils à pompe, à canon et crosse sciée, 200 kilos de munitions diverses, des grenades, 5 cartouches de 20 mm pour mitrailleuses d'avion, qui ont été retrouvées d'après les douaniers. Les saisies d'armes de guerre se multiplient en Europe, chez les militants d'extrême droite. En 2019, la police italienne a mis la main sur des armes de guerre et de la propagande nazie dans le nord de la péninsule, chez des sympathisants de l'extrême droite italienne. Disclose a obtenu des centaines de documents confidentiels défense qui dévoilent les dérives d'une opération militaire secrète de la France en Égypte. Révélation sur la complicité de l'État dans des bombardements contre des civils. Une source a transmis à Disclose plusieurs centaines de documents classés confidentiels défense, des notes issues des services de l'Élysée, du ministère des Armées et de la direction du renseignement militaire, qui révèlent les dérives de cette mission de renseignement débutée en février 2016 au nom de la lutte antiterroriste. Une fuite inédite de documents qui démontre comment cette coopération, dissimulée au public, a été détournée par l'État égyptien au profit d'une campagne d'exécutions arbitraires. Des crimes d'État dont François Hollande et Emmanuel Macron ont été constamment informés, sans jamais en tirer les conséquences. C'est grave. Vincent Bolloré et Éric Zemmour constituent un duo inséparable. Tous les jours, au téléphone, les deux hommes partagent un projet politique commun. Après Canal+, CNews, Europe 1, Paris Match, le JDD, le milliardaire breton lorgne désormais sur le Figaro. Par la censure, le licenciement de journalistes et l'acharnement judiciaire, le multimilliardaire quatorzième fortune de France impose par la terreur un agenda médiatique d'extrême droite dans le pays. Une véritable OPEA de Vincent Bolloré sur la campagne présidentielle, au service d'un rêve, celui de propulser Éric Zemmour à l'aide de son empire médiatique au palais de l'Élysée le 24 avril 2022. Voilà, on est prévenu, hein ? Il n'y aura pas d'excuses si on vote mal. La France a besoin de l'ordre de 8000 à 9000 tonnes d'uranium naturel par an pour fabriquer le combustible alimentant son parc de 58 réacteurs nucléaires. La totalité de cet uranium est importée. L'exploitant EDF achète le combustible final auprès d'Areva, qui sécurise son approvisionnement en amont en exploitant de l'uranium naturel dans différentes zones géographiques. Parmi celles-ci figurent principalement le Niger, le Canada, l'Australie et le Kazakhstan, etc., etc. Voilà, donc le nucléaire, eh bien, le nucléaire, c'est très dangereux, à tout point de vue, tout point de vue. Grains de sable chinois dans nos EPR, tiens. Un an après la découverte des fuites de gaz rares et radioactifs dans l'un de leurs réacteurs EPR de Taishan, en Chine, les ingénieurs d'EDF ignorent toujours ce qui est arrivé à leur joujou. Mais ni ces constats, ni les déboires accumulés par cette filière nucléaire n'ont empêché Macron de promettre, lors de sa dernière allocution, la construction prochaine des nouveaux EPR. Bon, je lis pas le reste de l'article, hein. C'est Le Canard Enchaîné, mercredi 17 novembre 2021. Voilà, on est bien gouverné, hein. Oui, ben on a bien voté, alors c'est normal, on est responsable. Enfin, certains d'entre nous sont responsables. Eh oui, oui. Vous pouvez regretter, vous pouvez vous regarder dans la glace, vous pouvez faire des cauchemars la nuit. Ben oui, vous avez voté pour... enfin, bon, voilà. Hein. Alors, une publicité ancienne, hein, ancienne. Buvez du vin du midi. Il provient exclusivement de la fermentation du raisin frais. Les informations de l'Institut national de la statistique et des études économiques prouvent que le vin n'est pas responsable de l'alcoolisme. Que l'alcoolisme est la plus faible cause de mortalité par 100 000 habitants en France. Le vin raisonnablement consommé n'est pas toxique. Que donner à boire aux enfants, point d'interrogation. Du vin, plus ou moins coupé d'eau, selon l'âge, à partir de 4 ans. Pour les adultes, de 0,75 centilitres, ah, il y a une faute d'impression, là. À 2 litres de vin par jour, à l'occasion des repas. Pour tous, jamais d'eau dite pure, car pure, elle ne l'est pas, puisqu'on la purifie par l'adjonction d'eau de Javel, poison violent. Le vin mélangé à l'eau est antibiotique et antimicrobien. Entre les repas, buvez du jus de raisin, association de propagande pour le vin. Hein? C'est gonflé, ça, quand même. Hein? Bon, ben, faut, ouais, voilà. Hein? Allez, bonne nuit.